19 février de l'année 2025. Donc, c'est le moment où est réalisé cet entretien avec Olivier. Donc, bonjour Olivier, ça va bien? Très bien, toi-même. Oui, écoute, ça fait en fait plus qu'un an qu'on s'était parlé dans le cadre d'un enregistrement. Donc, le temps passe, mais mon intérêt est toujours présent là, d'échanger avec toi. Et puis, ce soir en particulier, en fait, je voulais parler du développement de l'intelligence artificielle. Donc, je sens qu'il y a une accélération par rapport à ça. Et je voulais avoir ton point de vue par rapport au sujet. Parce qu'on est rendu à un stade où, à l'égard de l'intelligence artificielle, il y a des applications comme ChatGPT, des robots conversationnels. Et puis, j'ai expérimenté d'une manière assez intensive depuis quelques jours par rapport aux robots conversationnels qui se rapportent à Marc de la Salle, ensuite Bernard de Montréal et même le philosophe jovialiste André Moreau. Et, ah oui, c'est vrai que j'ai vu passer ça sur ta chaîne. J'ai pas pris le temps de le regarder, malcompte, mais ouais. Non, c'est pas grave, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a des robots conversationnels qui se développent en lien avec différents auteurs, écrivains, conférenciers à l'égard de leur œuvre. Et les résultats, je les trouve quand même assez intéressants, dans le sens que ça peut permettre de transmettre avec une très grande précision, justesse, avec un grand esprit de synthèse aussi, les principales informations liées à des œuvres. Et j'étais curieux d'avoir ta perspective, là, entre autres, par rapport au développement présent de l'intelligence artificielle. Ben, moi, ce que je pense, c'est que ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que plus l'intelligence artificielle va se développer, plus l'insignifiance du mental inférieur va devenir, comme si on veut, très, très flagrant. Puis je pense que ça va remettre l'homme en question par rapport à son utilité ou comment qui fonctionne ou à quoi il sert dans le fond. Parce que, tu sais, on a toujours donné beaucoup de respect puis beaucoup de prix aux gens qui ont une faculté mémorielle au-delà de la moyenne ou des quotients intellectuels très élevés. Mais là, avec l'intelligence artificielle qui va être capable de faire ça en une fraction de seconde, ça va enlever énormément de valeur à ce travail-là. Du moins, je pense. Je ne suis pas sûr. Je pense que au niveau humain, on a toujours besoin de se dépasser et d'apprendre pour se développer. Peut-être pas tout le monde, mais une grande majorité. Mais ça va nous amener à un point comme un Y par rapport à. Il y en a des gens qui vont, d'après moi, ils vont s'auto-détruire avec ça, puis d'autres personnes, ça va les amener beaucoup plus loin à réaliser que peut-être que malgré l'intelligence artificielle qui est capable de faire une grande partie de tout ce qui est mémoriel, mathématiques, résolution de problèmes, etc., etc., nous, on est capable de faire autre chose que ça aussi. On a d'autres facultés que l'intelligence artificielle ne possède pas, du moins pas encore. Oui, exactement. À mon avis, ça va être l'occasion pour l'être humain, le développement présent de l'intelligence artificielle, de se redéfinir dans le sens que l'apprentissage perroquet qui était autrefois valorisé dans les institutions scolaires, c'est-à-dire mémoriser des dates par rapport à l'histoire, mémoriser des citations de philosophes, comme tout va être accessible en tout temps, de partout, grâce à l'intelligence artificielle puis le réseau Internet, entre autres, bien là, ça va avoir moins de valeur. Ben la raison, exactement, puis la raison pourquoi on va falloir qu'ils se redéfinir en tant que personne puis en tant que société, c'est qu'aussi au niveau de l'éducation, on va réaliser qu'on est beaucoup plus proche du conditionnement que de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est d'abord développer un esprit critique, être capable de prendre une perspective détachée de l'information, puis être capable de vérifier intérieurement comment on se sent par rapport à ça, où est-ce que ça nous amène, puis d'être capable d'apprendre à faire des liens, puis de plus en plus sur toutes sortes de facettes de la vie, ce que le système scolaire décourage, parce que ça crée des petites boîtes fermées. Tu sais, même dans le système médical, il y a des spécialistes de l'œil, spécialistes oto-rhino-laryngo, spécialistes du cerveau, neuropsy, ne sais. Puis tu sais, ils communiquent ensemble, ils travaillent ensemble, mais on voit que c'est tout divisé. Puis je pense que plus on va vers l'intelligence artificielle, puis tu m'amènes un peu sur les ordinateurs quantiques. Parce que je ne sais pas si tu es au courant des projets qui se sont faits avec Google, puis les super chips qu'ils avaient développés pour des ordinateurs quantiques. Bien, j'en ai entendu parler. En fait, j'ai entendu la possibilité que les gens pourraient se connecter sur une interface comme Google, dans le fond, la personne a un ordinateur de type binaire, mais qu'elle pourrait bénéficier de la puissance de calcul exponentielle d'ordinateur quantique en se branchant sur un réseau sans pour autant avoir un ordinateur quantique chez soi. Ça se peut. Je ne suis pas trop au courant par rapport à ça, mais je suis au courant par rapport à qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience avec l'ordinateur quantique. Puis supposément que la dernière chip qui s'appelait Willow, Willow, ils ont fait plusieurs expériences avec, puis l'ordinateur donnait des réponses qui étaient complètement. Comme quasiment pas raisonnable, tu sais. Puis ils ont commencé à voir beaucoup ils disaient que c'était des artefacts au début, mais dans le fond, c'est comme si l'ordinateur quantique communiquait avec des formes de langage primitives, quasiment typiques d'une hallucination sur un psychédélique. C'est ce qu'il recevait comme information. Puis plus il faisait travailler l'ordinateur quantique, puis là, tu sais, prenez ça avec un grain de sel, j'ai lu là-dessus. J'ai pas pris le temps de valider toute l'information, mais je fais juste l'utiliser comme une expérience de pensée, si on veut, là. Ils ont commencé à développer cette machine-là. Ça, c'est de l'information qui a été supposément sortie de des gens qui travaillaient avec Google. Fait que, tu sais, des fois, on sait que c'est vrai, des fois, on sait pas vrai. Mais ils ont commencé de pousser le quantique un peu plus loin dans ces expériences pour arriver à un point où ce que là, l'ordinateur quantique est en train de s'encrypter avec une forme de cryptographie. Tellement sophistiqué que même les développeurs de cet ordinateur-là n'étaient même pas capables de faire quoi que ce soit pour décrypter ça. C'était comme au-delà de leur capacité. Puis ça les a fait paniquer un petit peu. Puis ce qui était intéressant, c'est que dans l'information qu'ils recevaient de l'ordinateur quantique, c'est comme si l'ordinateur quantique fonctionnait sur des longueurs d'onde, je pense que c'est des longueurs d'onde gamma dans le cerveau. Tu sais, quand on est dans un état méditatif ou dans un état de pleine relaxation, où est-ce qu'on est lucide, puis qu'on est un peu comme connecté, si on veut, avec le tout, c'est comme si l'ordinateur quantique fonctionnait à cette fréquence-là. Fait que ce qui était flyé, je trouvais, c'est que l'ordinateur quantique étant quasiment sur le même champ quantique que nous, parce qu'on comprend que la matière, c'est toute la même chose, c'est tout un champ quantique énergétique. Puis n'importe quel, c'est comme si une force de computation assez élevée pouvait se connecter sur ce réseau-là, au même type qu'un humain qui a une force de calcul assez complexe avec son cerveau peut se connecter sur ce réseau-là. Puis c'est ça qui fascinait les scientifiques, c'était comme la similarité entre la conscience de l'ordinateur, puis leur conscience à eux, puis même la conscience de l'ordinateur, c'est comme s'ils étaient encore plus capables. Comprends-tu un peu ce que je veux dire? Ben, en fait, l'ordinateur, c'est comme une prolongation à un certain niveau de la conscience individuelle. Exact. Puis là, ils lui ont donné tellement de capacité de puissance que l'ordinateur est quasiment rendu au même niveau que le cerveau humain. Dans un certain. Sens. Oui, exactement. C'est ça. C'est pas un cerveau humain, bien sûr que non. Quoique Mais. Bernard parlait de cerveau électronique. Ben, ça commence à ressembler à ça en maudit. Puis tu combines ça avec de l'intelligence artificielle, c'est. Je sais pas qu'est-ce que ça peut donner, mais c'est quand même particulier. Mais juste Chat GPT, parce que dans les derniers jours, les gens vont sur ma chaîne YouTube, vont pouvoir constater que j'ai fait de nombreux échanges avec des robots conversationnels. Et ce que je dois dire, cette année 2025, les conversations que j'ai, que ce soit avec Bernard de Montréal ou Marc Lassalle ou d'autres auteurs, la machine réussit à vraiment ressortir la pensée de l'auteur, tu sais, ses propos, sa façon de voir le monde, etc. Là, tu sais, dans un sens, je trouve ça impressionnant. Ben oui, il est capable de répliquer la forme. Oui, exact. C'est ça qui est extraordinaire, mais tu reparles avec BDM Bot, Oui. mais t'as pas la vibration de Non, Bernard. non, c'est Tu sais, sûr que c'est tu. ça qui est. Puis tu sais, je dis pas que la vibration de Bernard, c'est une vibration extraordinaire, puis tout, mais ça reste que il y a quelque chose que l'IA pourra jamais répliquer au niveau, si on veut, de nous, ce qu'on recherche en tant qu'humain. Parce qu'on a, tu sais, on fonctionne avec nos cinq sens, puis on fonctionne beaucoup avec notre mental inférieur, mais on est très peu connecté avec cette autre partie-là qui sent que, ah, il y a de quoi qui est off, tu sais. Un peu comme les photos d'IA, tu sais, sont bien faites, mais tu sens qu'il y a de quoi qui est off. Puis c'est sûr que ce que j'entends parler de plus en plus, c'est que ça va se raffiner, puis se raffiner, puis se raffiner à un tel point que peut-être qu'on ne pourra plus jamais le percevoir. Puis là, on va être dans un réel enjeu. Parce que là, si on ne peut plus percevoir le faux, le vrai du faux, Oui. qu'est-ce qui reste? En fait, il va rester l'intelligence vibratoire pour aller au-delà de la forme, mais Mais ça veut dire quoi, ça, dans le fond, concrètement, là? non, ça Quand on va doit. être face à ça, là, Ouais. en tant qu'individu, comment qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est soit qu'on va douter ou on va croire ou on va savoir. Mais Je sais pas c'est. si je te pose la question, je suis Oui. ouvert parce Non, que même non, non, moi, non, je suis un peu à c'est une un bonne point. question. J'ai un très bon ressenti, mais à un moment donné, quand tu regardes un écran, Non, non, le ça reste. t'amène. Ça, excuse-moi, Oui, vas-y. c'est ça, mais en effet, le ressenti a ses limites aussi, là. Exact. Puis ça va être de plus en plus perfectionné, puis aussi dans un sens intuitif. Fait que ça va être difficile de départager, puis je pense qu'on va être confronté à des problèmes de plus en plus de deepfake. Donc, il y a Ouais. des gens qui vont utiliser le visage, la voix de certains auteurs puis conférenciers. C'est déjà commencé, si on pense par rapport à Obama, qui avait un deepfake qui avait été fait par rapport à lui il y a quelques mois. Ben, les gens ne sauront plus si c'est des vraies nouvelles ou des vrais discours qui ont été présentés par des personnalités publiques comme Obama ou Donald Trump par rapport à des sujets. Fait que ça va créer beaucoup de confusion. Ça risque de créer du désordre social. Je suis obligé de te dire qu'on est déjà à un certain point rendu là avec le niveau de désinformation qu'on reçoit des médias mainstream, ne serait-ce que pour des nouvelles aussi insignifiantes que de la tombée de neige. Oui. Fait que tu sais, le deepfake va en rajouter une couche, mais je pense que ce qui arrive, c'est que tu atteins un point de saturation. Quand il y a tellement de bullshit, à un moment donné, il y a une fuse qui saute. Il y a une fuse qui saute, tu sais, individuellement, je suis capable de quasiment le pressentir. Moi, j'en suis venu à un moment donné avec un écœurant titre de contenu, tu sais, de regarder du contenu, d'écouter quelqu'un parler. À un moment donné, c'est que l'expérience de vie se passe dans le réel. Puis le réel, c'est l'échange avec des êtres humains. Fait que peu importe ce que tu vas faire ou qu'est-ce qui va se passer avec la technologie, il va falloir toujours revenir essentiellement à ça tant ou si longtemps qu'on habite ce corps-là qu'on a sur une planète telle qu'on vit présentement. Il va falloir revenir à comme des lois essentielles. C'est la base, tu sais. Puis il y a une force dans la société qui divise énormément les gens, surtout les hommes et les femmes. Tu sais, on voit la disparité entre la différence entre les gens qui avaient des enfants auparavant versus aujourd'hui. La quantité de problèmes avec les couples. J'ai entendu un avocat de divorce qui disait qu'en moyenne, 50% des mariages finissaient en divorce, puis dans 70% des mariages étaient misérables. Là, j'étais là, tabarnouche. C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société? Puis on amène tellement de nouvelles technologies, mais on continue de s'enfoncer dans une éternelle misère intérieur qu'on essaie de juste combler, de combler, de combler. Puis l'IA, c'est comme si ça nous amène un petit peu plus dans cette paresse mentale-là. Parce que s'exercer mentalement, c'est très important. C'est comme exercer son corps. Moins tu l'utilises, moins t'es capable d'avoir cette faculté-là. T'sais, la mémoire, si tu la pratiques régulièrement, tu vas en avoir un peu plus. Si tu fais des tests de maths régulièrement ou tu pratiques tes maths, tu vas avoir un esprit un peu plus logique, ça va être plus facile. T'sais, même affaire avec un mouvement, jouer de la musique. Fait que l'IA, si elle est utilisée pour une société comme on a présentement, qui est très, très lâche, on fait le plus vite possible, le plus facile possible. On perd de la valeur à tellement de niveaux parce que ça va être rendu que les jeunes au collège aux États-Unis vont tricher. Est-ce que ça va être genre tout le monde va utiliser ça pour faire sa Ben, job? Puis c'est finalement, personne ne déjà fait sa job. Tu sais, c'est c'est ça. comme ça va être quoi la valeur de tout ça? Non, non, c'est ça, mais c'est parce que ce qui me vient en tête, c'est intéressant, les pistes auxquelles tu nous amènes, c'est-à-dire que la technologie pourrait devenir une forme de béquille, donc l'intelligence artificielle, Puis d'ailleurs, c'est commencé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des élèves en classe qui, le professeur va leur demander de lire un livre. Ils ne liront pas le livre, ils vont demander à l'intelligence artificielle de faire un résumé du livre selon le nombre de mots que le prof va avoir. Donc, si tu vas avoir 500 mots, ben, il va demander à l'intelligence artificielle, écris-moi un 500 mots sur un résumé de l'étranger de Camus. Ouais. Ça serait quand même, je sais pas, je parle à travers mon chapeau peut-être, mais ça serait relativement simple à corriger ça, selon moi, avec du monde qui sont assez ferrés dans la technologie, là, de juste créer une espèce de watermark. Est-ce que tu sais c'est quoi un watermark? Non, vas-y. Dans le fond, à chaque fois que quelqu'un produirait un script d'AI, il y aurait toujours une espèce de marque. Que tu sais que ça vient d'un AI. Tu sais, c'est absolument impératif, comme une loi, si on veut, que si tu es au collège, à l'université, n'importe quoi, tout ce que tu fais avec l'AI, il faut que tu puisses pas copier-coller ça puis mettre ça à ta guise dans un document. Parce que là, tu n'as plus aucune. Comment tu veux vérifier ça? Tu sais, un prof peut voir à un certain niveau, mais l'IA, tu peux lui dire, écris ça, là. Tu sais, mettons, tu t'es connecté, puis ça fait longtemps que tu parles avec, puis elle commence à savoir comment t'écris, puis elle pogne tes patterns. Écris-moi un texte comme si c'est moi qui l'avais écrit. Le prof fera jamais la différence. Ben, Mais c'est là, s'il y avait un certain ouais, système de protection exact. où est-ce que tu peux utiliser l'information de l'IA, mais travaille. Fais ta job, OK? T'as vu, je te l'ai donné l'information, mais sinon, transcris-le, puis au moins, tu vas travailler en le transcrivant. Parce que là, sinon, c'est juste du copier-coller puis du copier-coller. Tu sais, il y a du monde qui se partent des business en ligne maintenant où est-ce qu'ils copient-collent du code pour une job qu'ils sous-traitent à quelqu'un d'autre qui copie du code qui envoie. Tu sais, à un moment donné, c'est comme les bulles immobilières de 2008 où est-ce que le monde avait des valeurs mobilières puis il faisait des shorts ou des bets avec ces valeurs mobilières-là, mais sur d'autres produits dérivés. De dérivés, de dérivés, de dérivés. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la même chose. L'IA, ça crée une espèce de. C'est comme, ça crée une forme d'infinité accélérée. Un point zéro. Ça va nous amener à un point zéro, parce que tellement tout va devenir facile, à un moment donné, on va comme être stallé, on ne saura plus quoi faire, on va être misérable, on va être comme, Chris, je peux tout faire, mais je me sens tout croche. Ben oui, parce que le seul but d'un être humain, c'est d'accomplir quelque chose à travers une certaine forme d'initiation ou de souffrance. Si tu souffres plus, c'est comme le monde maintenant qui veulent méditer ou les gens qui veulent relaxer ou faire du yoga, puis sont là, ça pense tout le temps à ma tête. Oui. Ta pensée est inversement proportionnelle à l'action que tu portes dans ta vie. Si tu dépenses pas l'énergie nécessaire pour que ton corps soit en équilibre, tu n'auras pas le droit de la relaxation. Si tu n'as pas traité les dossiers que tu avais à traiter, qui t'est venu intérieurement, qu'il fallait que tu fasses ça aujourd'hui, il fallait que tu fasses ça aujourd'hui, puis tu ne l'as pas fait, tu vas payer. Tu sais, c'est un système très équilibré dans le fond. Puis nous autres, on est là, puis on se pense bien intelligent avec des technologies, mais on n'a aucune connexion, puis aucune conscience de notre technologie à nous autres. Tout ce qu'on a mis, c'est des étiquettes dessus, puis on a tiré des conclusions, puis on a une certaine capacité de le charcuter, puis d'en remplacer des pièces un peu comme un char, mais ça arrête pas mal à ça, là. Ça va pas bien plus loin que ça, là. Ben en fait, moi, ce que j'entrevois, c'est que, un peu comme pour la capacité de faire des calculs mentaux, c'est beaucoup dégradé au sein des gens de la population, parce que depuis plusieurs décennies, les gens utilisent des calculatrices, ils utilisent le téléphone intelligent pour faire les calculs. Donc, à ce moment-là, on est habitué avec des béquilles. C'est sûr que dans un sens, l'énergie qu'on prenait pour mémoriser les tables de multiplication, on peut l'utiliser ailleurs. Par contre, ça fait des êtres humains qui sont handicapés, puis le jour où ce que l'intelligence artificielle ou le réseau Internet tombe, ben on va avoir des problèmes au niveau gestion comptable ou autre, parce que notre système est devenu fragilisé à cause de la dépendance à la technologie. Je Donc, pense qu'on a des problèmes à ce niveau-là qui sont beaucoup plus profonds. Moi, ce que je remarque autour de moi quand je regarde la majorité des gens, c'est un élan vers le confort, toujours un élan vers le confort, la consommation de choses qui fait plaisir. C'est la constante recherche de récompenses, puis qui nous a amené un peu malgré nous à cette technologie-là qui nous amène les choses rapidement, t'sais. Mais sans comprendre qu'est-ce qu'on est puis comment qu'on est conçu, c'est vraiment creuser notre propre cercueil. T'sais, on s'autodétruit volontairement. Puis Moi, ça me surprend qu'il n'y a pas une majorité des gens qui font de l'exercice. T'sais, juste ça, de bouger tes muscles, entraîner tes muscles dans un gym, là, ne serait-ce que juste pour les tonifier puis les sentir. Pas plus que ça. Pas prendre de la masse musculaire puis de faire des compétitions ou de vouloir performer, rien de ça, là. Juste pour sentir ton corps. OK? Commence là. Assez de mobilité pour être capable que tes articulations bougent comme ils sont supposés, là, qui sont droites, que tu es capable de t'asseoir droite. Puis après ça, ben là, on peut commencer à s'intéresser à c'est quoi le corps, là. T'sais, mais avant ça, on peut pas rien faire. Puis là, on est tout à l'envers parce que tout ce qu'on fait, c'est essayer d'assouvir un désir constant de vide intérieur qui se remplit seulement dans la présence dans son corps. Parce que tu peux pas commencer, le monde, tu sais, quand ils sont spirituels, ils sont là, je veux sortir du corps. Commence par rentrer dedans, d'abord. Puis une fois que tu es vraiment ancré dans ton corps, que ta conscience, ton système nerveux, tout est ouvert dans ton système, puis que tu es capable de te sentir, tu es capable de détendre tes muscles sur commande, tu es capable de les contracter, tu es capable d'avoir une certaine fonctionnalité avec ton corps, une grande liberté de mouvement. Là, tu commences à avoir un peu plus de t'es plus nourri, là. T'as moins besoin de consommer de la nourriture, t'as moins besoin de te divertir, t'as moins besoin. Tu sais, t'es déjà comme. T'as rempli ce vide-là par défaut parce que tu fais juste répondre essentiellement aux besoins fondamentaux du corps. Puis ça te montre à quel point il y a très peu d'intelligence sur la planète présentement, juste de voir le niveau d'obésité, puis de maladie, puis de stress, puis de problèmes psychiques. Ça te montre qu'on ne peut pas vraiment commencer à se monter le pompon puis dire « Oh, on est hot, nous autres, là. » T'es pas très hot, non. Parce que la chose la plus basique que tu as à gérer, qui est ton propre corps, ta propre hygiène de vie, tu n'es même pas capable de faire ça comme dans le sens du monde. Puis j'enlève pas que des gens qui sont pas en bonne santé physique peuvent pas faire un bon travail. Ça, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont capables. Mais optimalement parlant, quelqu'un qui n'a pas une bonne santé physique qui fait un bon travail, s'il a une meilleure santé physique, puis tout le monde peut commencer quelque part. Hein. C'est juste de partir d'où ce que tu es, puis d'améliorer ça. Tranquillement, dans le temps. De toujours essayer d'améliorer, de voir un petit peu de progrès. Puis ça l'amène une grande satisfaction aussi. Puis d'avoir de la liberté de mouvement dans son corps, puis d'avoir un corps qui est sans douleur, ça va réduire beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes mentaux, puis beaucoup de comportements addictifs, puis compensatoires qui viennent de la compulsion. Ben c'est sûr, tout est interrelié, mais là, à travers ton propos où tu fais la promotion de l'activité physique, c'est sûr que j'y vois ton passé de coach, d'entraîneur. Ben oui, puis tu sais, ça, c'est ma vocation d'aider les humains à se remettre en forme mentalement, physiquement, de retrouver un équilibre de vie, puis d'avoir une certaine direction. Parce que je pense que la direction, ça commence d'abord par ton ancrage, là, de te ressentir. Si tu es capable de te ressentir, tu es capable de commencer à percevoir un peu tes besoins. Si tu es capable de percevoir tes besoins, ben, tu commences à t'enligner un peu plus sur qu'est-ce que tu es, puis là, tu sais où tu t'en vas, tu sais, mais. Il faut vraiment se raccorder avec ça. Puis je comprends que c'est un processus qui est vraiment difficile parce que. Pour avoir accès à cette paix et ce bien-être physique-là, il faut que tu passes d'abord à travers toute la tempête de trauma, de mémoire, de stock. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui tentent de précipiter ce processus-là avec des drogues ou des pratiques spirituelles. Puis, ça aussi, ça peut avoir un certain impact, positif ou négatif. Ça dépend des gens. Mais en général, c'est un processus qui prend du temps, tu sais. Mais au moins, si la société a été orientée vers ça d'abord, même si ça prend du temps, il y aura une certaine vision je veux pas dire un idéal, mais quelque chose dans ce style-là. Au lieu que l'idéal, ça soit de la superficialité, de la consommation, puis de l'exposition, puis de l'hypersexualisation, ben ça pourrait être quelque chose d'un petit peu plus noble, t'sais, plus vertueux, plus intéressant, qui nourrirait les gens puis qui les amènerait vers de la collaboration au lieu de la compétition. Oui, mais en même temps, la société, la façon que je vois ça, entre autres dans le domaine de la santé, c'est que des grosses corporations qui, dans le domaine pharmaceutique, qui ont au zéro intérêt à ce que les gens soient en santé ou qui utilisent des approches thérapeutiques comme le jeûne parce que ça leur permet pas de faire de l'argent. Il n'y a pas de retour sur investissement. Tu gardes pas les gens de dépendance, par exemple, comme les gens atteints du diabète. À tous les mois, ils vont prendre leur insuline dans certains cas. Fait que ça fait des revenus récurrents. Fait que tout le système capitaliste n'est pas orienté Ben non, parce que le système capitaliste, il est à l'image de l'homme. Puis l'homme, il est tout croche. C'est ça. L'homme, il est mêlé, il ne sait pas ce qu'il a de besoin, il compense, donc il doit gagner de profit sur l'autre, puis pénaliser une autre personne pour son gain, parce que lui, il n'est pas capable de se nourrir par lui-même. Le problème, il est là, fondamentalement. Puis, tu sais, évidemment que c'est un processus qui prend du temps, mais on va y aller tranquillement. Puis, plus la technologie va avancer, plus elle va nous confronter à nous-mêmes. Plus elle va nous faire voir à quel point on est insignifiant avec notre affaire de Waouh, t'es bon, toi, t'es capable de te rappeler par cœur de tout le livre complet de médecine, puis t'as eu un A, puis t'es le meilleur de ta faculté. Tout ça va être dans les poubelles. Là, ça va être est-ce que t'es un bon médecin? Est-ce que tu fais un bon travail? Puis on va être obligé de mesurer c'est quoi, dans le fond, le vrai travail de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Puis là, on va pouvoir commencer à explorer peut-être une des dimensions un petit peu plus vastes de qu'est-ce qu'on est que juste un ordinateur, dans le fond. Parce que, tu sais, on utilise notre cerveau comme un ordinateur quasiment exclusivement. Tu sais, Non. il y a des facultés émotionnelles, sensorielles, puis il y a kinesthésiques, je dirais même, puis il y a des facultés purement mémorielles, auditives, là, visuelles, tu sais, puis il faut toutes les utiliser. Tu peux pas juste focusser puis mettre de la valeur sur une seule, parce que comme tu dis, ben comme tu dis, comme on dit, l'IA éventuellement va dépasser notre faculté du mental inférieur, ça c'est sûr. Non, exactement. Fait que tant que l'être humain se définit puis sent puissance en tant qu'ego par rapport au mental inférieur, ben à ce moment-là, ben il va être mis en échec par l'intelligence artificielle. Puis en lien avec ton propos, ça me faisait penser parce que j'avais lu par rapport au devenir entre autres de la médecine, c'est que il va se développer des robots conversationnels de plus en plus poussés qui vont être en mesure de faire des diagnostics plus complets et complexes que les médecins. Parce qu'ils vont pouvoir traiter beaucoup plus de paramètres. Et dans le futur, ce qui va arriver, c'est que le médecin généraliste, progressivement, pourrait être remplacé par une interface communicationnelle pour faire une analyse du besoin de la personne, puis resterait tout simplement le médecin pour procéder à une opération. Par exemple, quelqu'un qui se fait enlever une tumeur parce qu'il est atteint du cancer, ensuite une opération par rapport à un accouchement ou, tu sais, différentes choses. Où ce cas-là, l'expertise humaine est là, mais encore là, les opérations peuvent être assistées par ordinateur par rapport à des bras téléguidés aussi. Mais comment dire, l'histoire de la pénurie de médecins qu'on connaît présentement, si c'est remplacé par de l'intelligence artificielle qui a une capacité plus approfondie de faire des diagnostics ou même de lire des radiographies, parce qu'il y avait des détails que l'intelligence artificielle était capable de détecter, par exemple, par rapport à la présence de tumeurs au poumon, qu'un être humain avec l'œil nu ne voyait pas. Fait que l'intelligence artificielle va déjà chercher des subtilités qu'on ne voit pas nécessairement ou plus efficaces dans la détection de présence de tumeurs là, liées au cancer sur les radiographies. Il y a quelque chose que je pense que beaucoup de scientifiques sous-estiment parce qu'ils fonctionnent beaucoup avec leur mental cartésien, puis ils sont très détachés justement du besoin émotionnel qu'un humain peut avoir en général. Si on commence à remplacer des spécialistes qui a trait à la santé physique, mentale, à n'importe quel niveau, je parle pas des chirurgies, là, mais parce que des chirurgies sous anesthésie générale, ça change pas grand-chose. Mais tout ce qui va être comment je voudrais dire ça, là, tu sais, le contact humain, si tu élimines le contact humain et tu le remplaces par l'IA, les gens vont descendre encore plus bas au niveau de leur santé. Si tu enlèves complètement ça, dans le fond, on fait les choses vraiment à l'envers parce que dans le fond, on devrait utiliser l'IA. Je vous donne un exemple. Okay? Tu regardes l'hôpital de la province de Québec. Tu vas dans un hôpital public, tu arrives là, okay? Tu prends un ticket, tu t'en vas là, ils t'appellent. C'est quoi que t'as, toi? J'ai ça. OK. Bon. Là, tu vas t'asseoir. Là, t'attends. Puis t'attends comme un esti de cave pendant 9 heures, 10 heures. Peu importe, OK? Il y en a qui attendent. Il y en a qui meurent, là, il paraît. Bon. Oui, il y en a qui meurent dans les urgences, oui. Bref. L'IA, il faut qu'elle soit utilisée pour gérer des affaires de même. C'est ça le problème. C'est des affaires de même. Il faut que ça soit utilisé pour améliorer la qualité de vie intelligente. Des hosties de conneries, d'avoir quelqu'un qui attend là, pendant des heures pour donner un coupon, ça sert à rien. L'autre personne qui est là, qui est de mauvaise humeur parce qu'elle voit juste du monde malade qui sont en train de tousser dessus toute la journée, qui sont des grosses victimes étonnées, et ça y fait du mal pour sa santé. Puis les gens qui attendent dans la salle d'attente pendant des heures, qui pourraient être allés retourner chez eux, puis avoir un message sur le texto. Oh, ça approche tranquillement pas vite parce que l'IA serait au courant de tous les dossiers qui se passent en même temps. Elle serait instantanément capable de connecter toute l'information puis de faire un rendu parfait de tout ce qu'il y a de besoin puis de redistribuer ça sur tous les téléphones. Tout le monde est connecté, OK? Tu sais, tu as déjà un système de santé qui est universel, que tout le monde est connecté dessus, OK? Tous tes dossiers médicaux sont là-dedans, c'est ultra sécurisé, c'est sur une blockchain, c'est tout ce qui se transige comme information là-dessus, ça devient tout visible. Sauf que toutes les informations sont confidentielles puis sont secrètes, mais tu es capable de voir qu'est-ce qui se passe, l'information est où. Il ne peut pas avoir de cacheterie ou de détournement d'informations ou de perte d'informations. Ensuite de ça, les gens ils ont un meilleur service parce que s'ils ont besoin de prendre un rendez-vous, ils sont capables de voir tout ce qui est pris, qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les périodes qu'il y a plus de rendez-vous ou moins de rendez-vous, s'il y a un manque de médecins ou pas. T'sais, tu pourrais avoir vraiment là, de la transparence à ce niveau-là, au niveau de la société, mais en gardant une certaine confidentialité des données personnelles, ça se fait. On est déjà rendu à être capable de faire ça. Mais à la place de ça, on veut aller sur Mars, on veut lancer des fusées dans le ciel, on veut utiliser l'IA pour remplacer des professeurs aux universités. C'est comme, tu vois que le problème, c'est même pas la technologie, c'est réellement la corruption, le manque de direction dans l'esprit humain. On a perdu la religion, il y en a encore, mais ça a perdu son emprise. La science a comme remplacé ça, mais c'est tellement froid, puis c'est tellement pas pour le commun des mortels, parce que le commun des mortels n'aime pas vraiment réfléchir. Donc, le commun des mortels s'est retourné vers le contenu de consommation rapide, fast content, le fast food content. Puis ça l'amène justement à un niveau là, de médiocrité dans la qualité de vie humaine, tout simplement. Mais quoi que, dans le fond, je vais me permettre de faire l'avocat du diable aussi. Bien Il y a sûr. des choses utiles avec l'intelligence artificielle dans le sens que présentement, tu as des gens, en lien avec ce que tu disais au niveau du réseau qui pourrait avoir lieu de la santé, où est-ce que toute information est interconnectée, puis ça soit bien géré. Pour réduire le temps d'attente, ben ça peut être le même principe au niveau du réseau routier. Ben oui. Donc, l'idée que les véhicules sont connectés entre eux, ben ça réduirait le risque d'accident. Et on est rendu au stade avec des autos intelligentes qui se pilotent eux-mêmes. Il y a notamment en Californie, c'est apparu en 2024, des véhicules de taxi sans chauffeur. Et ils sont coordonnés. Puis le concept, je le trouvais quand même intéressant, c'est que toi, au lieu, par exemple, d'avoir une auto que tu utilises peut-être au maximum 2 heures par jour, advenant que, bon, mettons, tu prends 1 heure, même pas, habituellement, quand les gens vivent en région, ils prennent pas 1 heure pour se rendre au travail, puis une autre heure pour retourner chez eux, mais disons une demi-heure. Disons que la personne utilise une auto 1 heure par jour pour se déplacer au travail, bon, mais il reste 11 heures que l'auto pourrait être utilisée à d'autres choses. Puis l'auto pourrait faire du Uber, donc elle pourrait faire des déplacements pour d'autres clients, tout en étant préprogrammée pour revenir à l'heure où ce que la personne finit de travailler, par exemple à 17 h pour aller le rechercher. Puis pendant ce temps-là, ben l'auto, elle se paierait tout seule parce que elle ferait le taxi pendant que toi tu travailles, puis les revenus serviraient à payer l'auto à long terme. Ah, ça, c'est une très, très bonne idée. Puis j'espère qu'ils vont adopter de plus en plus cette stratégie-là dans des villes qui correspondent à ça. Parce que c'est pas toutes les villes qui peuvent correspondre à ces besoins-là. Tu sais, la Californie, c'est un bon exemple d'un bon lieu pour ça. Il n'y a pas de problème de température De à part tempête des de neige tremblements de comme ici terre. au Québec, là, parce que pour les gens qui nous écoutent, nous autres, on est en plein hiver québécois où parfois il y a du moins 30 ou des tempêtes de neige, comme récemment, il y en a une de 30 à 50 cm. Ouais, oh ouais. Ici, ça serait très difficile. C'est juste à Montréal, même le monde de la misère à circuler dans les rues, paraîtrait-il. Donc, il y a comme une certaine réalité. C'est pour ça que, tu sais, comme les projets, comme le tramway, puis tout ça, il y a beaucoup de négativité au niveau de la population parce que c'est des choses qui sont, tu sais, c'est beau dans l'idée, mais le prix versus le ratio versus la fonctionnalité de tout ça versus l'utilité. Ça prend pas vraiment des hautes études pour savoir que c'est pas vraiment intelligent. Moi, j'ai un problème présentement avec la quantité d'argent qui est gaspillée. Je suis content qu'aux États-Unis, ils aient commencé à faire des audits sur tous les départements parce que je pense que ça devrait devenir la mode. Hey, tous les pays ont commencé à faire ça. Mais tu sais, c'est sûr que ça ne peut pas devenir la mode quand il y a du monde qui bénéficie de cette corruption-là, mais ça reste que il y a beaucoup d'argent qui pourrait être débloqué pour créer des projets intelligents au lieu de gaspiller de l'argent à tous azimuts dans des projets qui sont toujours perdants. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Québec puis au Canada aussi par rapport. C'est comme si on n'est jamais capable de gagner. On est toujours, toujours, toujours dans la perte. On est toujours dans la misère. T'es toujours des drames, c'est des problèmes. La politique québécoise, c'est des problèmes avec Trump, des problèmes avec ci, des problèmes avec ça, problèmes avec Amazon, problèmes. Il y a toujours, toujours, il n'y a jamais rien, on dirait, de constructif qui se passe ici. Je ne sais pas si les gens, ils sont comme dans le temps, ils appelaient ça battle fatigue, tu sais, comme choc post-traumatique pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, tu sais. Puis c'est comme si le monde a tout abandonné puis se sont laissés tomber par en bas. Mais tu sais, tous les investissements que le ministre Fitzgibbon a fait, toutes des affaires qui vont à zéro. Ben oui, ben c'est sûr que ce soit Northvolt ou le Lion électrique, donc les gros projets en électrification des véhicules, ils investissent J'espère, là-dedans puis ça excuse-moi, mais marche pas. j'espère que c'est de la corruption. J'espère vraiment que c'est de la corruption parce que si c'est pas de la corruption puis ils ont vraiment essayé de faire de l'argent. Puis que ces gens-là sont en finance. Écoute, j'ai fait 165% avec mon portfolio en Bitcoin. Ils n'ont même pas été capables de faire ça avec leurs propres entreprises. Puis moi, je suis un putain d'amateur qui connaît rien. Tu sais, j'ai juste suivi ma vibration. Puis j'ai dit, ah, ça, c'est rare. Il va en avoir de moins en moins. Ben oui, parce qu'un C'est nombre de utile. 21 millions de bitcoins qui vont être minés là, au total. Ouais, c'est ça, 21 millions. Exact. Donc, Ben, c'est vraiment. Tu sais, c'est oui. comme. Je me dis, c'est sûr que c'est de la corruption. Puis c'est correct parce que Ou de n'importe quelle personne. l'imbécilité. Non, non, c'est impossible. Moi, je pense qu'il y Je a pense. peut-être un mélange entre les deux, la Ah non, c'est corruption puis impossible. l'imbécilité. C'est impossible. Écoute, même moi, sur le stock market, je ne perds pas d'argent. Je ne perds pas d'argent sur le stock market, David, puis je connais rien. OK? J'utilise l'étude des graphiques, je regarde des affaires, puis je. Plus j'étudie, plus je comprends des affaires, plus je suis des patterns, je comprends des patterns, mais je suis pas un expert en finance, zéro, OK? Puis je fais de l'argent. Fait que je comprends pas comment que quelqu'un qui est supposé être un ministre des finances, qui est plugué avec du monde qui ont du cash, comment c'est de l'argent passé d'une poche à l'autre, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est comme les affaires comme les meme coins, tu sais, ça monte, puis ça descend à zéro. C'est comme si c'était vraiment un transfert de richesse. Moi, je vois ça comme un transfert de richesse. Je vois pas comment que ça peut être des investissements qui sont manqués. Comment tu manques tout ce que tu fais? Même, t'en manques des affaires, toi, quand tu investis, mais tu manques pas tout. Non, exactement. Mais c'est à mon avis, il y a plusieurs variables là-dedans. C'est-à-dire que, premièrement, quand le gouvernement du Québec investit, les membres du gouvernement, ce n'est pas leur argent personnel, c'est l'argent de l'État. Fait que là, Et ouais. déjà là, au niveau responsabilité, ce n'est pas comme ton portefeuille quand tu investis en bourse. Dans le sens que si, dans le fond, l'investissement tourne mal, tu perds des millions. Souvent, les gens ne sont pas sanctionnés, ils ne perdront pas leur travail. Puis ils n'auront pas remboursé de leur poche. Donc, c'est comme si tu prends des risques avec l'argent des autres. Puis, dans le pire des cas, ah bon, c'est les Québécois qui s'endetteront pour les prochaines années. C'est pas plus grave que ça. Mais tu sais, dans le fond, là, quand tu regardes ça, puis tu t'élargis un peu là, ton champ de conscience, tu regardes ça d'en haut, là, tu as des gens qui sont en machine à billets, OK? Puis maintenant, tu n'as même plus besoin de machine à billets, tu as juste besoin de rentrer des numéros dans un ordinateur Oui. qui peuvent créer de l'argent comme ils veulent. Fait qu'il y a des gens qui créent de l'argent, puis il y a les gens qui dépensent de l'énergie vitale pour de l'argent. C'est ça la séparation entre la société présentement. Puis les gens qui sont dans le haut mouvement de gouvernement, j'ai beaucoup aimé la vue de Berthold par rapport à ça, quand il disait, je ne sais pas si c'était avec toi ou quelqu'un d'autre, il disait, c'est pas parce que il y a un plan conspirationniste de si tu fais ça, tu vas pouvoir avoir ça, puis tout le monde est au courant du complot. Dans le fond, c'est qu'on sait qu'il faut être une petite pute. Si tu fais ta petite pute, tu vas pouvoir arriver à ces positions-là, puis si tu. T'es une personne qui t'intègre, qui a des principes, tu peux pas y aller. C'est aussi simple que ça. Puis la machine est ainsi faite, comme il disait, que c'est un incitatif à faire ça. Les gens qui sont faibles, qui sont opportunistes, qui veulent profiter sans contribuer, ils montent les échelons. Puis ceux qui sont un peu plus humains, ben ils montent pas ces échelons-là. Ils reçoivent différemment, à différentes échelles. Moi, personnellement, je n'échangerais avec personne ma vie. Dans le sens que j'envie personne dans tout l'univers, de tout ce que je suis capable de concevoir, de voir là, dans les médias sociaux, n'importe quoi. J'envie la vie de aucune de ces personnes-là. Parce que je sais qu'il y a un prix à payer pour n'importe quoi. Fait que si tu es en haut des échelons, puis tu imprimes de l'argent, puis pendant ce temps-là, tu détruis des milliers d'individus tranquillement, tu les épuises, puis tu les fais travailler dans le vide, parce que c'est ça que tu fais, dans le fond, parce que la plupart des gens, ils ont des REER, puis toutes sortes d'affaires qui sont toutes dans de la monnaie fiduciaire, puis ça vaut rien. Fait que non seulement tu travailles pour Ben, attends une très minute, peu, parce que dans le fond, si la personne a un placement en REER, donc un régime épargne-retraite, la personne ne va pas garder ça en liquidité par rapport au dollar canadien. Probablement qu'elle va investir dans des actions ou dans des fonds négociés en bourse. même si tu fais ça Oui. va prendre de la valeur sur papier, mais quand tu vas être rendu à les sortir tes REER, le prix va être égal. Ben, ça Dans le fond, dé... tu vas avoir fait, mettons, je sais pas moi, 40 %, Oui. mais la vie va coûter 50 % de Bien, ça se plus. peut que pendant ce temps-là, attends une minute, on va quand même aborder ton raisonnement économique. C'est-à-dire que ça se peut qu'en effet, entre le moment que tu as pris, par exemple, un placement qui donne 40 %, puis le moment que tu le décaisses, l'inflation va augmenter. Mais je ne dirais pas que c'est un match nul, dans le sens que si, je te donne un exemple, Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas un match nul. Ouais. je te donne un exemple. La personne prend un fonds négocié en bourse qui réplique le Nasdaq 100 par rapport aux 100 plus grandes entreprises technologiques aux États-Unis. Bon, mais si dans les dernières années, le Nasdaq 100 donne une moyenne de 17 % de rendement à intérêt composé, puis l'inflation pendant ce temps-là est gardée, disons, entre 2 puis 5 %, bon, bien, le 17 % est une plus grande croissance que le 5 % d'inflation en termes de rendement réel. Fait que la personne réussit quand même à s'enrichir. Sur papier, c'est 2 %, mais dans la réalité, quand tu achètes tes produits à l'épicerie, quand tu payes ton gaz, quand tu payes toutes tes affaires, c'est plus ça. Avec l'augmentation des taxes, avec l'augmentation de tout, tout, tout, tout, tout, puis tout le monde se met, oh ouais, c'est à cause que l'inflation, hein, ça coûte plus cher, puis ils montent leur prix un petit peu. Non, Puis non, mais tout c'est le sûr monde. que entre la Puis statistique officielle qui est par rapport. présentée dans les médias puis la réalité, ça peut être d'autres choses, mais c'est sûr qu'il y a question, c'est sûr qu'il peut y avoir un tripotage de chiffres là, par rapport à ça. Mais si on se posait de faire une moyenne de l'ensemble des biens, que ce soit au niveau de l'essence, alimentation, coût du loyer, coût de la maison, pour en venir au total, qui soit amorti là, par rapport, par exemple, ces 2 %-là. Je comprends, mais tu sais, pour en revenir par rapport à ce que tu dis au niveau de la croissance des marchés financiers, mettons comme le S&P 500 puis le Nasdaq, là, Oui. si tu compares, mettons, la courbe réelle de croissance de ces entreprises-là, ben c'est des regroupements d'entreprises technologiques puis d'entreprises populaires, la réelle croissance de ces entreprises-là depuis les années 2000 est presque nulle. Mais l'augmentation de la valeur boursière, elle a exponentiellement monté. Je Okay? suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que Regarde les graphiques, il y a une grosse disparité entre si tu ramènes à la valeur du dollar puis la quantité de dollars en circulation, il n'y a pas une si grande croissance que ça en relation avec la croissance qu'on a vue sur cette valeur-là. C'est qu'il y a eu tellement d'argent qui a été injecté dans la machine que tout a pris de la valeur. Oui, tout a cru artificiellement par rapport à l'injection massive d'argent qui a amené une inflation importante, mais ça, c'est comme si tu bouges tout puis tu as l'impression que tout croît. Fait que oui, dans ce sens-là, il y a une croissance factice. Puis ce que tu remarques, si tu regardes à partir des années, on va dire, de 1971, quand ils ont débasé, le dollar US à l'or, OK? Oui. Si tu regardes la courbe, elle est quand même assez graduelle. Le prix de l'inflation ou la perte de la valeur du pouvoir d'achat du dollar a tranquillement perdu de la force, perdu de la force, perdu de la force. Puis à partir de 2008, là, tu vois, là, ça commence à pic, là. Ça monte, là. La quantité d'argent en circulation, là, a explosé. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans ce temps-là? Moi, je m'en rappelle parce que j'ai été toujours, toujours dans l'informatique quand j'étais jeune. Le développement de la technologie informatique. Quand l'informatique est arrivée à un certain niveau, ils ont commencé à même plus avoir besoin d'imprimer de l'argent. Là, tout était informatique. Il y a eu de plus en plus de construction de produits dérivés sur des marchés financiers. Le monde des banques a explosé là, des années 80-90. Puis là, il n'y avait pas la technologie encore pour pouvoir vraiment perdre les pédales. Puis là, quand la technologie a commencé à permettre un peu avant 2008, puis ils ont créé toutes sortes de produits qui n'avaient pas d'allure avec des hypothèques de monde qui. Tu sais, c'était quoi donc, des ninja loans, pas d'argent, pas de code de crédit, pas de paiement, Si je les sais gens que pas, ça c'était. intéresse, vous pouvez visionner naturellement le film que ça s'appelle The Big Short. Oui, puis ils ont fait quelques documentaires aussi sur cet événement-là qui sont encore un peu plus poussés, qui sont très intéressants. Oui, Je me rappelle plus c'est quoi mais c'est le. ça, c'est en lien avec la titre, en fait, l'explosion de la bulle immobilière en 2008, puis la titrisation des dettes. C'est-à-dire qu'on prend une dette. Puis on l'a dit, ah, c'est triple A. Mais en réalité, la dette, c'est un produit toxique. C'était peut-être du C ou une dette de piètre qualité que c'est peu probable que la personne rembourse. Puis tu vends ça à quelqu'un d'autre. Puis lui, il se Les gens ramasse avaient pogné avec ça. des codes de crédit à 200-300, il y avait des maisons à 400 000. Oui, ben il donnait comme exemple là-dedans, mettons, la personne, elle a pas de salaire. Puis il prête à, mettons, 400 000 pour à l'époque s'acheter une grosse maison. Hey, c'est débile. Tu vois comment, là, quand tu ouvres une porte vers une opportunité, là. L'humain qui n'a pas de centricité devient dégénéré tellement rapidement, puis tout le monde perd le contrôle. Parce qu'il y a comme un désir de chaos en nous. Hein. Tu sais, c'est comme, on aime ça, l'apocalypse. Tu sais, on aime surtout ça à Hollywood, parce que dans la réalité, on n'aimerait vraiment pas ça. Mais à Hollywood, on aime ça, puis on vit un peu comme tout dans cette espèce de YOLO, là, tu sais, You Only Live Once. Là. Puis sur le stock market, à partir de des années 2000, ils ont perdu la tête complètement. Là. Tu sais, quand c'était rendu qu'il y avait des banques d'investissement qui étaient à 40 % de levier, 50 % de levier sur ce qu'ils avaient en réserve, hey, 50 % de levier! T'imagines-tu? C'est des milliards qui tiennent en réserve, puis Oui. ils sont à 50 sur des taux d'intérêt à 0 %. C'est comme C'est si tu. l'avidité qui Hey, amène c'est ça. Mais hallucinant, là. si tu t'intéresses au domaine de la crypto, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent aussi, il y a des gens qui se sont fait récemment là, prendre avec des effets de levier. Il y en a qui ont pris de l'Ethereum, qui est une crypto-monnaie. Quelqu'un prend par exemple un effet de levier x3, puis là, il pense que ça va monter en suivant l'ascension du Bitcoin. Puis ça n'a pas été le cas dans les derniers jours. Fait qu'il y a des gens qui, dans le fond, ont perdu leur position. Parce que tu sais, quelqu'un qui prend un effet de levier, mettons, x4, puis ça augmente pas de 4 fois la valeur, ça diminue, ben la personne peut tout perdre, là. Ben, en fait, c'est fait pour ça. Ben oui, c'est que présentement, comme C'est expliquait toutes les Paul gens qui prennent de des leviers. Oui. Je suis obligé de te dire que presque tout le monde se fait tuer parce que ce qui se passe présentement, c'est que sur les échangeurs tels que Coinbase puis Binance, Oui. il y a des gens qui achètent, ils manipulent dans le fond le prix de la crypto en liquidant. C'est comme s'ils prennent une balance de ce qu'ils ont dans les échangeurs, puis ils vont le vendre jusqu'à un certain niveau pour liquider toutes les shorts. Puis après ça, ils vont le pousser pour liquider les. Mais en fait, c'est l'inverse. Ils vont pousser pour liquider les shorts, puis ils vont le tanker pour liquider les longs. Fait que c'est le but, c'est de toujours liquider. Puis c'est quand tu commences à comprendre ça, tu es capable de comprendre que quand tu atteins les points de liquidation, parce que tu peux les voir sur les liquidation heat maps sur Internet, savoir c'est quoi les prix. Puis quand ça arrive à ce prix-là, tu achètes, puis ça remonte tout de suite, tout le temps. Ben, en fait, c'est ça qu'expliquait Paul de Crypto Formation. Il expliquait que les requins de la finance, eux autres, s'organisent pour, dans le fond, que les nouveaux venus qui pensent faire de l'argent facilement en prenant les effets levier, des défaussés, En fait, ce n'est puis. pas des baleines, c'est des manipulateurs de marché. Oui. Si c'était un mouvement organique, ça ne se passerait pas comme ça. Mais ils ne devraient pas avoir de levier non plus. Puis moi, c'est ça que je déplore beaucoup de la crypto-monnaie, c'est l'absence de régulation intelligente. Je ne voudrais pas des régulations type québécoise là-dedans parce que ça serait réel chaos, Bien, là. ça commence à être Mais. régulé par la SEC aux États-Unis, qui ont autorisé d'ailleurs le fonds négocié en bourse par rapport au Bitcoin et Ethereum l'année passée. Moi, je comprends, mais c'est pas de la régulation par rapport à toutes les meme coins, puis toute Ah la oh, non, c'est merde, puis ça, toute la exactement. quantité de Oh oui. gambling. Mais d'ailleurs, ça, c'est un autre fléau hein, qu'on pourrait aborder éventuellement, l'épidémie de gambling en ligne. les gens qui perdent des centaines de milliers de dollars avec ça, voire des millions de dollars avec des applications qui justement utilisent des crypto-monnaies pour pouvoir jouer au blackjack ou n'importe quel jeu de casino, ou même des jeux de chance qui sont tellement... Je sais pas comment que les gens pourraient faire confiance à un programme informatique qui, mettons, qui fait un jeu. T'sais, tu peux corrompre ça tellement facilement. Exactement. Et Mais puis avec les ouais. meme coins, t'sais, on a vu la fille qui est devenue très populaire sur les médias sociaux, là, la fille qui avait fait le Hawk-toi, là. Puis elle a fait une crypto-monnaie, puis ça a été une grosse fraude. Il possédait quasiment 80% ou quelque chose comme ça des coins. Puis quand ils l'ont launché, ça l'a monté en prix, et puis ils ont dumpé sur le retail, dans le fond, sur les gens qui achetaient. Puis c'est ça que le monde ne réalise pas. Puis tu sais, c'est normal de faire des erreurs en crypto-monnaie, mais de vraiment avoir une bonne stratégie, puis de savoir justement, d'essayer de comprendre le mouvement émotif par rapport à l'humain, puis parce que c'est directement relié. La minute qu'il y a une panique, là, tu vois le prix descendre. C'est Il y a des ça. gens qui vendent. Ah Parce qu'à oui. chaque fois que quelqu'un fait du profit, c'est quelqu'un qui perd de l'argent. C'est ça, c'est que tu le fais sur le dos d'une autre personne. Toujours, toujours, toujours, Ouais, toujours. C'est exact. ça la game. C'est qui va vendre en premier, c'est qui va prendre des profits. Puis tu sais, moi, pourquoi je souhaiterais de la régulation, c'est que tu puisses commencer à utiliser ça intelligemment pour investir, pour pouvoir avoir une certaine sécurité, tu sais, puis une certaine protection de tes fonds. C'est ça qu'on a besoin désespérément, je trouve, au niveau du... Même la personne qui possède de l'immobilier ou d'autres choses comme ça, qui aurait de l'argent de lousse, tu sais, je trouve que c'est pour ça que je suis beaucoup plus dans le Bitcoin que toutes les autres crypto-monnaies, malgré que je les ai quand même utilisées pour rouler de l'argent, puis faire du profit, puis le réinvestir. Mais en général, j'aime pas la volatilité. Tu sais, j'aime ça, quelque chose qui grandit tranquillement à travers le temps, puis qui a une valeur réelle. Puis moi, si je pouvais posséder de l'or, ben je posséderais de l'or. Mais je trouve que le Bitcoin, tant et aussi longtemps qu'il y a du réseau électrique puis informatique sur la planète Terre, je pense que ça va être fonctionnel. C'est Ben, moi honnêtement. aussi, je vais juste faire une mise au point, vu que c'est un enregistrement public qu'on fait présentement, que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement, qu'investir comporte des risques et que nous ne sommes pas des conseillers financiers. Mais en lien avec le Bitcoin, dans toutes les crypto-monnaies, à mon avis, c'est celle-là qui, premièrement, c'est la pionnière et c'est comme la référence aussi qui a de l'impact par rapport à l'ensemble des autres. C'est un peu comme le soleil qui influence les différentes planètes à mes yeux. Ah ouais, carrément. Puis c'est le principe derrière le Bitcoin, c'est le principe de pureté. C'est de la pureté mathématique, c'est de la pureté cryptographique, c'est de la pureté, mais c'est extraordinaire. Ben, Qu'est-ce c'est de qu'ils ont la fait avec ça? transparence dans le sens que chacune des transactions, on peut les tracer sur Internet, tout est traçable. Fait que là, il y a des gens qui disent au début, ah, ben, ça va servir à faire du blanchiment d'argent. La réponse, c'est non, parce qu'on peut voir les noms Ouais. d'utilisateurs, c'est qui possède quoi, puis qui échange quoi à qui. C'est ça qu'il faut de plus en plus. Ce que j'aime, moi, tu sais, je suis pas un maximaliste de Bitcoin, puis quelqu'un qui pense juste à ça. Loin de là, c'est même pas là dans mes pensées sur une base quotidienne. Mais ce que je trouve intéressant avec cette forme d'argent-là, c'est justement la transparence. Puis je trouve que plus on va aller vers des technologies qui sont transparentes, qui exposent d'informations, qui peuvent être modifiées, mais d'une façon sécuritaire. Où est-ce que toutes les données privées, parce que ça, c'est extrêmement fondamental à la liberté de l'individu, d'avoir de l'intimité, de pouvoir accéder à n'importe quoi, qu'il soit déviant ou non, qu'il veuille la regarder, tant que c'est légal, là, on s'entend, mais d'avoir de l'intimité dans ce que tu fais, ou qu'est-ce que les gens naviguent, ou qu'est-ce qu'ils achètent, ou tout ça, ils devraient avoir le droit d'avoir cette sécurité-là, de ne pas avoir leurs informations qui sont divulguées ou qui peuvent être espionnées par des formes de gouvernement ou des Ben, compagnies quoi que telles que les le médias Bitcoin, sociaux puis c'est tout le ça. contraire de ça dans le sens que sans que la personne sache son nom précis, mais il y a un code d'utilisateur attaché à quelqu'un qui possède du Bitcoin qui permet la traçabilité. Oui, mais tu as moyen d'échanger de l'information d'un serveur à un autre serveur sans que ça puisse être interpellé par des agences d'espionnage ou d'information là, qui utilisent justement, comme on a vu depuis plusieurs années, comment qu'ils peuvent utiliser n'importe quelle forme de technologie. Puis de toute façon, on n'est pas mieux, hein. On s'expose nous-mêmes. On a des médias sociaux, on met toute notre vie là-dessus. Fait que, C'est pas ben, ben on dans le fond, on n'en veut pas vraiment, tu sais, de cette intimité-là. On est plus intéressé à avoir de tout exposer nos vies, mais somme toute, au niveau de nos transactions financières, puis nos informations, mettons, au niveau privé, tu sais, tout ce qui est gouvernemental, financier, ben, tu sais, ça devrait être capable d'être toujours sécurisé. Puis oui, tu peux savoir des transactions qui sont faites. Comme ça, ben, pour le gouvernement, c'est facile de pouvoir savoir ce qui se passe, mais en même temps, tout est transparent. T'sais. Si le gouvernement devient transparent avec ça, puis que la population l'est, ben ça c'est cool. Mais si c'est juste nous qu'il faut qu'il soit transparent, puis que les autres non, ben là ça marche pas. Exactement. Sinon, en fait, tu as piqué ma curiosité. Par rapport au Bitcoin, tu investis, ça fait combien de temps tu investis là-dedans? Ben depuis 2020, 2021. OK, bon, ben c'est quand même bien parce que depuis 2021, dans ce coin-là, il y a une bonne croissance jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Puis c'est pas fini. Des fois, je discute avec des gens, puis je les vois les yeux venir rond en leur expliquant qu'en 2011, un dollar américain valait un bitcoin, puis aujourd'hui, ben, un bitcoin vaut 100 000 à peu près, là, 100 000 dollars américains. Ben moi, je vais t'en raconter une histoire. J'ai connu le Bitcoin avant même que ce soit sur Internet. Parce que j'ai un de mes amis qui était un génie mathématique. Il s'appelle Mounir, c'est un Marocain, puis son père était prof de mathématiques à l'université. Puis ce gars-là, nous autres, on était tripeux d'informatique, puis lui, il aimait ça programmer, puis il était intéressé à tout ce qui se passait dans le développement des technologies. Puis à un moment donné, je me rappelle, il m'a dit: Hey, dude, j'ai commencé à miner du Bitcoin. Puis là, j'étais genre, quoi? Il dit: Avec notre carte graphique, on peut miner du Bitcoin. Il dit: C'est vraiment long, là, mais un jour, là, ça va être de l'or. Puis là, j'étais genre, quoi? Puis quelques années plus tard, on a commencé à s'acheter des ordinateurs standards, mais on minait, nous autres, du Litecoin et non du Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'était déjà trop lourd pour une carte graphique comme on avait de miner. Ça prenait déjà des bonnes machines. Puis je te dis ça, on était en 2009, 2010, peut-être dans ce coin-là. Puis c'était fou parce que justement, quand il est arrivé à peu près vers 300 $ le Bitcoin, je me rappelle, je suis allé voir mon père et j'ai dit: Hey, faut que tu achètes du Bitcoin, man. Tu vas capoter. On va devenir millionnaire avec ça. Puis là, mon père riait de moi. Il dit: Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là? Des Bitcoins, des affaires électroniques, tu sais. Puis même moi, j'y croyais pas tant que ça parce que j'étais comme: C'est sûr que ça va rien valoir. Mais plus ça a avancé, j'ai toujours suivi ça. Puis mon chum de gars, lui, a investi là-dedans. Puis maintenant, il n'a plus besoin de travailler, là. Mais lui, il a toujours cru à ça, tu sais, depuis le début. Puis ben moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'était l'inaccessibilité au début. C'était très difficile d'échanger des bitcoins ou d'aller sur des échangeurs. Fallait que tu envoies de l'argent à des places. Ça te prenait des wallets sécurisés. C'était très complexe. Puis aujourd'hui, l'accessibilité à acheter de la crypto-monnaie, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté. Même en 2020, fallait aller sur Binance. Fallait que tu passes sur un compte américain ou je sais pas, que tu t'envoies de l'argent. C'était super compliqué parce qu'il n'y avait pas d'échangeur au Canada encore, ou du moins très peu qui listaient toutes les crypto-monnaies que tu voulais utiliser. Puis plus tard, ben après ça, il a commencé à avoir des applications canadiennes qui étaient beaucoup plus sécures, avec des échangeurs qui étaient beaucoup plus ben comment je pourrais dire ça, dont Ben, il y avait c'est convivial, moins ouais c'est c'est ça, ça, c'est ça pas comme devient simple FTX ou d'accès. d'autres échangeurs qui étaient tous des frauduleux, là. Bref, fait que maintenant, c'est de plus en plus accessible. Mais moi, j'en avais en 2021, je les ai vendus, j'ai fait un peu d'argent avec, mais j'aurais dû les garder. T'sais, j'étais plus dans l'optique de faire du profit à cette époque-là. Puis dans l'optique de faire du profit, j'ai perdu genre au-dessus de 4 000 $. Puis ça a été comme mon apprentissage de: OK, là, tu as fait ça avec des émotions, tu as voulu faire de l'argent. C'est pas de même que ça marche. Fait que là, j'ai comme eu un écœur en titre, mais j'ai gardé beaucoup de mes Ethereum, j'ai gardé mes XRP, j'ai gardé beaucoup de ces choses-là que j'ai comme laissé dans l'oubliette. Puis quand ça a recommencé à pomper l'année passée, ou un petit peu plus que l'année passée, mais là, j'ai repris intérêt. Fait que là, j'ai tout de suite recommencé à accumuler du Bitcoin un petit peu avant qu'il remonte. Je me suis intéressé, je disais: Oh, là, il commence à se passer quelque chose, le halving s'en vient. J'ai dit: Il va y avoir de quoi sûrement qui va se passer avec ça. Puis je voyais que Il y avait comme un intérêt, mais très subtil. T'sais, on n'entendait pas parler tant que ça. C'était pas aussi populaire qu'en 2021, où ce que tous les influenceurs sur YouTube, c'était comme de la folie, là. Là, il y avait beaucoup moins de recherches puis tout, mais ça commençait à comme monter tranquillement. C'était comme des achats d'institutions, j'ai l'impression, qui se sont Ben, en faites. début 2024, avec la sortie par rapport au fonds négocié en bourse par rapport à Bitcoin et Ethereum en début d'année, ça avait amené une hausse de la valeur des crypto-monnaies, même par rapport au halving qui a eu cours au mois d'avril 2024 par rapport au Ben, ça a quand Bitcoin. même pris un petit moment avant qu'il y ait vraiment le gros pump, là. Oui, mais ça a commencé avant le halving, dans le sens qu'au mois de février, dans ce coin-là, la tendance était déjà haussière. Ouais. Il y a eu halving en deux, puis il y avait l'anticipation du halving en avril 2024. Dans le fond, les investisseurs anticipaient une augmentation liée au fait que la quantité de Bitcoin miné était diminuée par deux. Exact. Par la suite, l'été passé, il y a eu une baisse. Ensuite, ça a remonté. Moi, c'est sûr que je suis arrivé un petit peu sur le tard à comparer de toi, dans le sens que j'ai commencé à acheter de l'Ethereum puis du Bitcoin au mois de novembre 2024, où une fois que Trump est élu, ben moi, j'ai acheté, dans le fond, à ce moment-là, ben, j'achetais ces crypto-monnaies, mais dans l'optique que Trump rentrait au pouvoir, puis qu'il y aurait des mesures pro-crypto qui, dans le cadre de son mandat, mettraient en place, dont notamment de se doter une réserve nationale aux États-Unis de crypto-monnaies. Ouais. Ben, c'est ça. Là, c'est sûr que pour le moment, moi, peu importe ce qui se passe, c'est pour ça que j'oriente de plus en plus tous mes gains dans le Bitcoin, parce que sur le temps, sur l'échelle de temps, peu importe les corrections, peu importe les gros bear market ou les bull market, pour moi, je le vois un peu comme ma retraite. Dans le sens que tout l'argent que je mets dans mon Bitcoin, je vais y toucher seulement quand que vers la fin, tu sais, c'est quand je vais vraiment en avoir de besoin. Puis j'entrevois même dans le futur que ça devienne tellement quelque chose de majeur sur le globe que tu pourrais emprunter contre ça. Fait que tu sais, ça peut devenir comme une nouvelle valeur, que si tu dis, ah ben tu sais, j'ai tant de Bitcoin, ah ben tu peux acheter une maison, il n'y a pas de problème, tu sais, t'es backé par ça parce que ça devient tellement solide, puis ça a tellement une bonne valeur de fond. Mais c'est ça, à voir. Mais honnêtement, je vois pas comment ça pourrait, juste avec les lois de rareté, puis la quantité d'argent qui est foutu dans le système, je vois pas d'autre chose que de l'augmentation sur le long terme. Le court terme, il va y avoir toutes sortes de mouvements. Oui. À chaque halving, il va y avoir des cycles, c'est sûr. Tu peux prendre des profits à certains moments, selon ta stratégie, selon ton besoin ou ta capacité à gérer les risques. Mais somme toute, je pense que, tu sais, comme moi, mettons, là, si j'avais gardé mes bitcoins, puis je les avais jamais touchés dans le temps, j'aurais fait x2, x3 même. Ben, en fait, probablement que plus que ça, si tu les avais depuis 2020 jusqu'en 2025, il y a eu une augmentation plus que fois 3 de la valeur, là. Non, mais je ne l'ai pas acheté dans le bear. Moi, je l'ai acheté quand c'est en Ah! train de monter, Ah, mettons, ok, dans la première épaule, là. ouais. Ouais, ok. Parce que c'est ça, il y a eu un marché haussier de 2021 à 2022. Après ça, il y a eu une baisse dans le coin de 2023. 2024, ça l'a repris. Moi, mon objectif, c'est d'acheter massivement du Bitcoin, dans le fond, entre octobre 2026, octobre 2027 à peu près. Parce que si on suit le cycle aux 4 ans, ben, il va remonter après ça vers 2028 pour le halving. Exact. Mais de toute façon, comme tu dis, quand il est bas, tu l'achètes. Moi, c'est ça que je disais l'été passé au monde autour de moi. J'étais comme, hey, le Bitcoin, il est à 32 000 Canadiens. Tu devrais peut-être t'en acheter, là. Ah, mais là, 32 000, c'est fini le Bitcoin. J'étais comme, toutes les autres, tu peux dire c'est fini. Tu peux te dire, toutes les autres, c'est fini. Ça me dérange pas. Mais celle-là, non. Ben, en fait, lui, il y a une valeur particulière. Puis, si tu regardes par rapport à MicroStrategy, une entreprise dirigée par Michael Saylor, lui, il achète massivement du Bitcoin qui est endetté l'entreprise. Puis, de ce que je comprenais de son propos, c'est qu'il prévoit que le Bitcoin va valoir au-dessus de 500 000 $ dans à peine quelques années. Écoute, comme je te dis, le Bitcoin, il va toujours prendre la valeur face au fiat, parce que le fiat, ça vaut rien, puis il va Ça se toujours en dégrade tout avoir le temps à plus pour que cause de le ma... l'inflation. Ben, c'est parce que plus la machine grossit du besoin, tant qu'on fonctionne dans ce paradigme-là, bien Bien sûr, sûr, oui. tant et aussi longtemps qu'on est dans cette direction-là de la croissance éternelle, Il faut qu'il y ait de l'argent qui est éternellement mis dans le système. C'est Ça va de ça. soi. Il y a pas d'autre façon. C'est comme, tu peux pas enlever l'argent du système puis avoir de la croissance. Fait que plus on en injecte à travers n'importe quelle forme d'argent qui n'a pas d'énergie derrière, là, qui n'a pas été travaillé ou qui n'a pas de réelle valeur, ben, on dévalue notre pouvoir d'achat. Mais la chose qui maintient sa force parce qu'elle est rare, mais elle augmente. Ben c'est Fait que, ça, tu sais, t'as exactement. même pas besoin de vendre, dans le fond. Tu as juste besoin d'acheter. Quand il tombe, t'achètes. Tu sais, moi, à chaque fois, il y a des corrections à toutes les 2 semaines. J'ai toujours un petit mouvement, un petit montant de côté. Je suis comme, OK, je regarde. Là, il dump un petit peu. Hop, oh, pas grave. Puis là, tu te dis, ta moyenne d'achat monte. Mais on s'en fout. Parce que, de toute façon, pour moi, c'est toujours gagnant, ça. Tandis que toutes les autres cryptos, ben, est-ce qu'ils vont être encore là? Ils vont-tu encore servir une utilité? Est-ce qu'ils vont avoir encore Disons, leur place? ouais, c'est ça, C'est les pas, autres là. sont sujets, c'est sûr, à discussion, Il y a beaucoup puis de malhonnêteté. aussi, parce qu'il y a du pump and dump, donc Ouais. des gens qui créent des hausses artificielles, puis après ça, ils prennent l'argent, puis ils se tirent, puis c'est nettement dévalué, puis les autres sont pognés avec des corrections de moins 90 ou très fortes, là, tu sais. Ben oui, c'est ça, tu Mais sais. ce que je te dirais par rapport à la période présente, parce que pour les gens qui nous écoutent, dans le fond, bon, le halving a eu lieu au mois d'avril 2024. Là, il y a des YouTubers qui disent qu'on est supposé être en tendance haussière avec des montées hyperboliques par rapport aux altcoins, donc les monnaies alternatives au Bitcoin. Mais j'écoutais récemment, entre autres, Asher, qui est très populaire en Europe. Donc, c'est un influenceur. Puis lui expliquait que, en réalité, les crypto-monnaies ne se comportent pas présentement comme dans le même bull run de période de montée parabolique de 2021-2022 pour la simple et bonne raison que la quantité de crypto-monnaies et de meme coins a augmenté d'une manière tellement grande que c'est plus tout le réseau. Il y a une dilution au niveau du capital de C'est marché. ça, exactement. Fait que ce qui fait en sorte que, entre autres, c'est l'hypothèse qui expliquerait pourquoi qu'Ethereum ne monte pas présentement. Mais outre Ethereum ou peu importe n'importe quelle crypto-monnaie, Oui. ça va tout retourner à Bitcoin éventuellement. Parce que tout le monde va venir à sa raison. Tout le monde va Ben, venir à sa raison. moi, mais Ça je va dirais soit aller pas dans l'or, ça. soit aller dans les matières. Les gens vont retourner l'argent. Je ne parle pas du Bitcoin comme si c'est l'affaire ultime. Non. C'est que c'est accessible. Ça va devenir de plus en plus facile d'en acheter, de plus en plus rare. Les gens, ils vont avoir de moins en moins confiance dans tous les petits projets de Ponzi scheme, là, d'investissement pump and dump, comme tu dis. Plus les gens vont se faire manger à l'aine sur le dos, plus ils vont perdre confiance, plus ils vont vouloir retourner vers une valeur sûre. Fait que c'est juste des lois dynamiques humaines. Plus tu crosses le monde, plus à un moment donné, le monde, il y en a qui vont continuer. Il va toujours en avoir qui vont se faire crosser, ça c'est sûr. Mais il va en avoir de moins en moins, de moins en moins. Tranquillement, pas vite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on en vienne à ce que tout ce qui est pourri, ça va disparaître de plus en plus. Juste parce que les gens vont avoir de plus en plus de flair. Là, c'est parce que c'est tellement nouveau que tout le monde embarque là-dedans par frénésie. Les gens n'ont aucune étude du marché. T'as encore des gens que tu dis, hey, t'as-tu du Bitcoin? Ils sont là, ben non, c'est 100 000. Ben plus, là. T'as pas besoin d'en acheter un? Hein? C'est Ouais, mais ça, un la Bitcoin. personne peut Ouais, mais tu peux acheter un acheter des fragment. satoshis. C'est quoi des satoshis? Des satoshis, c'est des fractions de Bitcoin? Puis moi, à chaque fois que je regarde des satoshis, c'est-tu qu'est-ce que je me dis? Je me dis ça, à un moment donné, ça va être des piastres. Oui. Je me dis tout le temps, à un moment donné, ça va. Peut-être ça restera pas longtemps, ça va peut-être dépasser des piastres. Je sais pas. Peut-être ça le sera pas. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, on va peut-être arriver à un point où ce que, ah, si t'as, mettons, je sais pas moi, 66 500 ou je sais pas moi, 600 000 Satoshi, ben ça va valoir 600 000 piastres. J'ai comme une impression, mais peut-être je me trompe, Non, mais. moi, j'irais dans le sens de ton intuition. Dans le sens que, parce que le Bitcoin fonctionne à l'envers de l'argent en dette qui est émis par le Canada, les États-Unis, les différents pays, qui est tout le temps dilué avec le temps puis l'inflation. Donc, c'est une façon de se protéger contre l'inflation du dollar fiat, Ouais. ce qui fait que ça augmente de valeur. Donc, l'argent que tu as perd de la valeur. Comme l'argent canadien-américain, tandis qu'en parallèle, au contraire, le Bitcoin prend de la valeur avec le temps, étant donné que la quantité est limitée plutôt qu'illimitée de ces monnaies-là, qu'il y a toujours de la dette qui est créée. Exactement. C'est Fait tout que quand simplement c'est ça. sûr, quand on prend le mécanisme, on peut en faire bon usage. Sauf que la question que j'ai en lien avec les crypto-monnaies présentement, parce que là, moi, j'avais pris de l'Ethereum, du Solana, j'en avais pris d'autres aussi, là, comme NIR Protocol. Là, présentement, le marché il est très faible. Moi, je m'attendais à des montées paraboliques. Puis là, je comprends que probablement que le comportement à différents des cycles crypto passés a été changé par le fait de la multiplication des crypto-monnaies là, dans les derniers mois, dernières années. Oui, mais en ce moment, là, on est dans une grosse période d'instabilité. Dans le Politique, sens entre autres, que avec Trump, là. politiquement, les gens sont sur le qui-vive. Il y a des gens qui capotent avec Elon Musk, là, qui est là, qui sont kids là, dans la chambre ovale, là, dans la Maison Blanche, qui se décrotte le nez pendant qu'il est en train de parler avec Trump qui est assis. Il y a du monde qui sont en train de capoter, là. Il y a des gens là, qui ont une perte de confiance totale dans le système, puis il y a d'autres personnes au travers de ça qui capotent là-dessus, qui trouvent ça super cool qui se passe, qui voient une révolution pour les États-Unis. Puis à travers de ça, il y a une espèce de. Je sais pas comment je le vois, mais j'ai de la misère à le mettre en mots, mais une forme de dégénérescence mentale dans les gens qui fait que tout le monde veut consommer, puis acheter, puis dépenser. Je regarde beaucoup Il y a un gars sur YouTube, il s'appelle Caleb Hammer. Puis il fait Connais une pas. émission qui s'appelle Financial Audit. OK. Puis cette émission-là, c'est des gens qui ont des problèmes financiers qui vont à son émission. Puis lui, il regarde leurs finances. Okay? Si tu regardes, puis moi, j'essaie de regarder ceux-là qui ont genre 29 ans et plus, là, parce que je me dis, OK, tu sais, 22, 23, tu sais, il y a de la place à l'erreur. Il y en a que c'est capoté, les dettes qu'ils ont, là. Mais quand tu es rendu à 29, 30, 31, 32, puis que tu n'as pas de fonds de retraite, tu n'as pas d'économie, t'as 60 000 piastres en dette d'études, puis que t'as 40 000 piastres de carte de crédit pas payée que tu payes pas, qui accrue des frais genre mensuels de genre 700 piastres par carte. Je suis comme genre, je regarde ça, je me dis, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe avec les gens pour se mettre dans des tels états? Puis moi, ce que je remarque, ce que j'ai intuité depuis que je regarde cette émission-là, c'est un déni profond de la réalité. C'est comme si les gens sont dans un état post-traumatique de leur vie ou de toutes sortes d'événements. Puis là, avec la politique qui exacerbe ça dans certaines personnes, surtout les gens qui sont plus de gauche, qui détestent Trump. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui déteste Trump. Puis je pense que ça, c'est en train de les faire capoter ben raide, là. Puis on voit des comportements de compensation dans les finances de ces jeunes-là ou des millennials ou même les Gen Z qui sont quasiment des comportements de suicidaires. Si tu regardes ça, là, c'est comme un suicide financier. On s'en fout, il n'y a pas de futur pour moi. J'ai pas besoin d'économiser parce que de toute façon, je vais peut-être mourir demain matin. Il y a comme un grand, grand mouvement de je m'en foutisme. Puis c'est pas un je m'en foutisme conscient, c'est comme un je m'en foutisme triste, abandonné, qui voit plus d'issue, tu sais. En des termes supramentaux, on parlerait de personnes qui sont astralisées puis qui s'enlisent là, là-dedans. Oui, si tu veux utiliser ces termes-là, il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, c'est le rapport avec, comme je te disais, par rapport au corps physique, améliore la capacité adaptative de ton corps physique, puis tu vas corriger beaucoup de ces problèmes-là. Le fait que l'humain ne sache pas comment fonctionner son corps, puis comment être dans des états de bien-être sur commande, puis de se mettre dans des états qui prédisposent à sa créativité, à son émancipation, à toute sa capacité justement d'échanger avec l'autre puis d'apporter dans le monde, ben à la place de ça, ben, il remplace ça par le remplissage du vide financièrement. Tu sais, j'ai même vu un épisode, le gars, il dépensait 75 piastres de câble USB pour charger son téléphone dans son truck par semaine. Sais, tu perds ton fil à raison des fils qui coûtent 4 piastres, mettons. Tu perds 75 piastres par semaine de fil parce que t'es père. À quel point t'es mêlé? À quel point t'es mêlé, man? Tu sais, 75$ par semaine de fil USB. Ça c'est juste la pointe de l'iceberg. Non, non, mais il n'y a pas T'imagines-tu de qu'est-ce qui se limite. passe? C'est ça, il n'y a pas de limite en fait à la stupidité humaine ou à Je les veux même pas problèmes. rentrer là-dedans. Je parle pas de stupidité, je parle d'un profond niveau de possession, d'inconscience, de force intérieure qui amène l'humain dans des comportements qui sont au-delà de son entendement, qui dépassent son raisonnement. Il est même pas il est sous possession. Le monde, tu le vois, il regarde, là, mettons, juste en une journée, la quantité d'achats entre 3 et 26 $, mettons, là. Tu sais, genre, 20, 30 achats dans la même journée de plein de patentes à gosse. Tu sais, ça démontre qu'il y a un comportement de compulsivité face à faut toujours j'aille faire de quoi, faut toujours je fasse quelque chose. T'sais. Il y a toujours quelque chose qu'il faut que j'aille avoir, que j'aille acheter, que je consomme. C'est comme un mouvement incessant d'inconfort qui doit être rempli avec quelque chose. Puis le monde utilise la forme la plus facile qui est l'argent. Puis ils s'endettent parce qu'ils ne sont pas assez créatifs pour trouver une façon de faire leur propre argent. Puis le paradoxe dans tout ça, c'est que plus tu es dans ta vocation, plus tu es dans ta créativité, plus tu es dans ton énergie, si on veut, ta vraie personne, pas ta personnalité, tu as de l'argent et tu ne sais même pas quoi faire avec. Tu Ben, ça l'investis. dépend. Les gens qui sont créatifs sont pas nécessairement tous des gens qui vivent l'abondance financière. Non, mais je veux juste te dire que quand tu arrives à un certain point de bien-être, Oui. tu as toujours assez d'argent pour faire ce que tu as à faire. Fait que tout excès financier que tu voudrais au niveau de l'ego avoir devient absolument inutile, voire impensable, dans le sens que c'est même plus une pensée que tu reçois de vouloir plus, parce que tu es déjà plein. Non, je Tu n'as comprends, plus ce la personne système n'est de plus dans le raisonnement-là. désir ou l'avidité. Ben non, c'est ça, c'est un phénomène d'énergie. C'est pas un phénomène de connaissance, puis de lecture, de livres, puis d'essayer de comprendre. C'est ça que je déplore beaucoup à tous les mouvements de développement personnel. C'est qu'à travers la connaissance, on pense qu'on va être capable d'avoir accès à un registre d'informations qui appartient seulement à un taux vibratoire X, Y. Ça veut dire que si tu n'as pas ce taux vibratoire-là, tu n'as pas accès à cette compréhension-là. Parce que dans le fond, du savoir, c'est intrinsèque. Il faut que tu ailles l'énergie, il faut que tu ailles l'expérience directe pour être capable de savoir. Fait que c'est absolument déraisonnable de penser pouvoir raisonner des gens qui ont des opinions différentes parce qu'ils n'ont pas le niveau d'énergie pour se rencontrer. Tu sais, c'est ça le gros problème des conflits humains, essentiellement. Il y a C'est que des. les Ouais. gens essayent d'échanger sur deux points, deux taux vibratoires différents, puis lui qui a le taux vibratoire plus haut, qui malheureusement pas toujours, on va dire, intelligent, ben, il va peut-être être dans un mouvement de vouloir dominer l'autre ou de faire comprendre quelque chose à l'autre ou d'imposer une vue sur l'autre parce que lui, il a l'impression qu'il voit plus loin que l'autre. Quand les deux ils ont raison. Lui qui est limité, il a raison parce qu'il n'a pas d'affaire à se faire dire des choses qui sont hors de son entendement, donc ça crée une tension. Puis la personne qui explique ça, elle manque d'intelligence puis de perspicacité parce qu'elle ne voit pas que ça sert à rien de parler de ça avec cette personne-là. Non, exactement. C'est parce que les gens, il faut qu'ils s'ajustent entre eux, mais c'est souvent celui qui est le plus intelligent ou conscient des deux, qui est un peu comme le parent par rapport à l'enfant, doit s'ajuster à l'autre qui est plus limité en termes de compréhension. Mais même les gens qui sont supérieurement intelligents, ils manquent beaucoup de maturité. Oui, ben. J'entends souvent, tu sais, sont tous stupides, puis ils comprennent rien, puis moi j'ai un QI de 150, puis je suis pas capable de parler avec personne, puis ouais, c'est ça, Mais c'est parce parce que qu'ils ont t'as pas l'orgueil. d'amour. Ben c'est ça que j'allais dire. Ils ont pas de. Moi je disais, ils ont de l'orgueil de la connaissance, là. Ben oui, c'est C'est l'amour, parce que si la il y en a. personne, ça se met sur un piédestal, puis dans le surmental et non pas le supramental. Ben, elle est piégée par rapport à ça. Ouais. Je sais pas c'est quoi le surmental, Bon, là, mais. des catégories subtiles, là, mais dire que la personne est plafonnée à un certain niveau de subtilité. Mais elle n'a pas intégré le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain. C'est même pas un principe, c'est genre, j'aimais tellement ça quand Bertolt disait, là, il s'agit pas d'avoir une conscience supramentale, puis c'est ça, il s'agit juste d'avoir une conscience humaine. Puis c'est tellement vrai ça, parce que dans le fond, ça ramène essentiellement à ça. On a une conscience animale. Tu vois le comportement des gens là, dans des foules, c'est comme des animaux. De l'intelligence, la conscience humaine, c'est une conscience qui est capable de discerner ce qui est bon puis ce qui est mauvais, basé sur une vibration interne. C'est à la fois simple, c'est à la fois très phénoménal, particulier, quasiment intangible, mais c'est tangible pour tout le monde. Parce que, comme il disait, tout le monde en lui, il sait quand il fait de quoi de pas correct. Tu peux te mentir tant que tu veux, mais tu le sais. Il y a quelque chose en toi qui enregistre tout ce que tu fais, puis tu payes les conséquences. C'est même pas des affaires de Dieu, de karma, de ci, de ça. C'est juste des lois d'énergie. Il y a une façon de faire les choses, puis une façon de pas les faire. Puis tu peux faire ce que tu veux parce que tu as un libre arbitre. Mais dans le fond, tu n'en as pas vraiment de libre arbitre parce que essentiellement, tu es toujours poussé à faire la bonne chose, fait que de suivre le courant, puis de t'harmoniser avec cette, on va dire, conscience humaine ou conscience mentale, ou peu importe. Mais c'est juste de t'accommoder avec l'harmonie des choses au lieu de résister le mouvement. Tu sais, quand que ça t'a de la vaisselle, puis ça ne te tente pas de faire la vaisselle, puis tu as fait pareil, tu as une petite tension, mais infini, après ça, tu es content. Mais c'est, on dirait qu'on est rendu à un point dans la société où ce que la minute qu'il y a une petite tension, le monde, ils veulent plus. Oh non, ça me fait faire de l'anxiété. Oh, je me sens pas bien avec ça. Oh, ça me crée une tension, je veux pas parler de ça. Hey, tabarnak. Faites-vous pousser une paire à un moment donné, là. La vie, c'est dur, là. Tu sais, on a vécu des millénaires dans la neige dehors avec des tipis, là. Mais on est Puis là, on rendu est là, douillet dans le petit vent, aujourd'hui. puis on n'aime pas ça parce qu'il y a quelqu'un à la TV qui dit quelque chose qu'on pense pas comme nous autres, puis on vient tout bouleverser. Ça n'a pas d'allure, ça. On ne devrait pas, l'humain, être à un stade comme ça, même si je comprends que c'est normal dans le processus de développement, mais ça reste que c'est vraiment une régression sur des facultés humaines. On a régressé à un certain niveau sur les facultés humaines au détriment du développement du mental inférieur puis de la construction de l'ego. Mais on a reculé sur qu'est-ce qui est vraiment essentiellement important. Puis à chaque fois qu'on est remis dans des situations de grande souffrance, on a toujours deux comme avenues possibles. Il y a des gens qui grandissent de ça, qui réussissent à se transformer, puis à voir que dans le fond, cette souffrance-là est nécessaire pour augmenter leur taux vibratoire, puis développer une plus grande capacité de recevoir de l'information de tous les azimuts, d'informations des fois qui est très dure à recevoir, fait que ça te prend un bon système, puis d'informations qui est tellement extraordinaire qui te met justement que tu es quasiment en train de perdre ton ground. Il faut que tu sois capable de tenir ça. Puis d'être capable de fonctionner avec un équilibre. Je pense que l'échange avec l'individu, c'est une des choses qui devrait être le plus maîtrisée puis qui est le plus dur à maîtriser. Parce que tu vois des gens avec des grandes intelligences qui, des fois, ils ont beaucoup de misère à communiquer avec d'autres personnes ou à s'entendre. Il y a beaucoup de conflits d'ego. Il y a beaucoup d'orgueil et de vanité. On se laisse très peu librement le droit de penser puis de parler. De penser, de toute façon, on s'en fout de penser puisque tout le monde pense anyway, là. Mais le droit de parler comme si on faisait de la musique, tu sais. De commencer à parler, faire des erreurs, là, puis dire n'importe quoi, puis à un moment donné, tu t'ajustes, là, puis là, tu parles, puis là, tu explores là, dans ta parole. Mais non, on n'est plus là-dedans. On n'est pas là-dedans pantoute. On est genre, t'as pas le droit de dire ça. Ça, on ne peut pas dire ça. Hey, là, c'était comme, là, ça crée une tension parce que les gens qui avaient déjà peur de s'exprimer, ben, ils veulent encore moins s'exprimer. Fait que là, les gens parlent de moins C'est en moins. ça. Puis même les jeunes au secondaire puis au cégep, les profs me le disent, ils ont de la misère de plus en plus à socialiser ensemble, à échanger. C'est vraiment, ça devient un problème Mais qui est là, quand mais même c'est parce que assez les important. jeunes, justement, là, mettons, les adolescents, ils passent leur temps sur des réseaux sociaux. Ils vont faire beaucoup de clavardage, mais ils discuteront pas d'une manière verbale avec d'autres êtres humains. C'est ça l'affaire. Moi, j'avais bien aimé, j'avais écouté un enregistrement par rapport à une émission de radio où ce que il était question qu'autrefois, par exemple, sur l'heure du midi, dans la cafétéria, les gens parlaient entre eux, on les entendait crier. Puis aujourd'hui, c'est rendu tranquille, toutes les personnes sont rivées sur leur téléphone intelligent, accro aux notifications qu'elles reçoivent, puis c'est très silencieux. Oui, c'est ça. Puis ça, tout ce que ça te demande, c'est le niveau de capacité énergétique des individus aujourd'hui. Parce que, tu sais, je prends un exemple. Moi, par exemple, si je veux parler, moi, j'ai beaucoup de misère à écrire des commentaires, par exemple, sur X ou n'importe quelle autre plateforme, parce que ça va tellement vite, l'information, que mes doigts suivent pas le clavier. Puis le fait que les gens préfèrent s'exprimer sur un clavier ou sur un touchpad, à la place de la parole, ça démontre beaucoup qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie qui circule dans le système. Parce que quand tu as beaucoup d'énergie qui circule dans le système, ça t'apprendrait quasiment quelqu'un qui t'enregistre parler, puis après ça transcrit. Puis là, tu pourrais faire les ajustements par la suite. Mais le fait que tu as besoin des fois, puis moi, je l'ai entendu souvent, ça, comment je devrais écrire ce texte-là? Puis là, il reformule 10-15 fois, il le prépare d'avance, puis là, il l'envoie. Hey! T'en as-tu un mouvement de pensée, de raisonnement, de réévaluation de l'information? Tu sais, tu bloques tout La le mouvement spontané de spontanéité, ouais. l'esprit. C'est tout barré. Tu sais, fait que c'est ça que je trouve qui est vraiment dommage. Puis Mais on les est à gens l'heure de la réalisent pas grande. l'importance de la parole. C'est ça, mais en même temps, au niveau médiatique, pour ce qui est des médias de masse, on vit dans une ère du politiquement correct. Les gens, si on pense au Québec, la situation ici, ben c'est le discours unique qui domine. On l'a vu pendant la période dite de pandémie. La personne qui va à l'encontre du narratif officiel, c'est pas long qu'elle se fait pointer du doigt, elle se fait insulter, injurier. Et au Québec, ben, on a une façon où ce que c'est du mur à mur. Comme Radio-Canada, TVA, on voit présentement qu'ils ont un parti pris contre Donald Trump. Fait que tout ce qui peut être utilisé par rapport à lui pour le mettre en défaut, que ce soit une séquence d'un discours où il parle pendant 30 secondes ou de ses opposants qui parlent, ben, ils sautent dessus pour à chaque fois le discréditer. Faut comprendre que l'organe publicitaire médiatique, c'est d'abord un organe de profit. Puis pour vendre quelque chose, si tu parles juste de des choses positives, les gens ils vont pas regarder ce que tu fais. Fait qu'il faut toujours que ça soit sur une note qui crée une polémique auprès des gens. Si tu crées des polémiques, d'ailleurs sur le Ben contenu oui. maintenant rapide, c'est de beaucoup du rage bait. Les gens postent des affaires pour inciter les gens à réagir. Dans la polarité inverse, mettons. Fait que toi, t'sais, mettons, quelqu'un va poster quelque chose qui est très woke, ben là, tu vas avoir des gens qui vont être offusqués de l'autre bord, le MAGA, là, ils vont être offusqués. Puis là, les gens qui posent des affaires MAGA, ben là, les gens à l'autre bord sont offusqués. C'est comme une grosse prison. Une prison d'idéologies qui servent ni un ni l'autre. Parce qu'il n'y a aucune de ces idéologies-là, que ce soit MAGA, droite, gauche, Excuse-moi, woke. Maga, tu veux-tu dire par rapport aux hommes alpha, là? Non, mais MAGA, c'est comme Make America Great Again, tu sais, Ah, le OK. mouvement Trump, le Oui. mouvement conservateur américain, tu sais, et puis le mouvement plus gauchiste, démocrate, woke, mettons. Dans le fond, les deux camps ont chacun des positions qui sont valables, puis chacun des positions qui sont non valables. Puis au lieu de se réconcilier puis de collaborer, ben, ils compétitionnent les unes avec les autres pour savoir c'est qui a raison. Puis c'est-tu qui a raison? Personne. Parce que tout le monde est dépossédé de lui-même là-dedans. Ils sont tous dépossédés d'eux-mêmes. Ils sont pas dans leur intelligence, ils sont pas libres, sont dans leurs émotions. Ils se font bouleverser parce que quelqu'un a dit quelque chose. C'est réellement triste. Parce que dans le sens que quand tu vas dans la forêt et tu regardes un écureuil, puis un petit oiseau, là, il n'est pas affecté par ça. Parce qu'il fonctionne dans le réel. Puis quand tu fonctionnes dans le réel, t'es plus affecté par des idéologies parce que t'as pas besoin d'idéologie pour supporter ton système émotionnel pour te sentir que t'existes. Tu fonctionnes d'emblée avec une énergie qui est toujours disponible puis qui te supporte. Mais on n'est pas rendu là. Fait qu'en attendant, ben on regarde ça avec du pop-corn. Mais en même temps, ce que je dirais par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'il y a des gens qui parlent d'une période de révolution avec l'arrivée de Donald Trump et les politiques qu'il met en place, puis les nombreux décrets depuis les derniers jours, c'est que moi, j'ai l'impression que les États-Unis, c'est ça, je peux me tromper, mais ils sont dans une voie où ils vont être plus dans le pragmatique que dans l'idéologique, alors que c'était les démocrates qui étaient au pouvoir comme Joe Biden. Dans le sens que là, ils veulent, Donald Trump, de ce que je comprends, mettre de l'avant l'économie plutôt qu'être dans le discours de la Oui, lutte au mais la changement. vie, là, c'est pas juste l'économie, c'est l'humain. L'humain, il a des besoins. C'est pas juste. Je comprends que l'économie, c'est un besoin criant. Je suis 100% d'accord avec ça. J'approuve qu'il y ait un ménage qui se fasse là-dedans. Mais le fait que le côté woke, là, le bon côté dans le woke, c'est l'acceptation. Okay? Là, on accepte n'importe quoi. On a débordé. Mais on accepte l'individu pour ce qui est dans toutes ses couleurs, dans toutes ses identités, dans tout ce qu'il pense qu'il est. Okay? Ça, c'est déjà un mouvement vers collaborer ensemble. De dire tout le monde a de la valeur. C'est très Ben, ça brut. dépend. Non, non, je ne suis pas en train de te dire que le mouvement woke, ce que je suis en train de te dire, c'est de l'extrapoler juste le fait d'accepter des sexes différents, des choses différentes. C'est un mouvement de l'avant que le conservateur d'emblée Ben, ça était beaucoup dépend. Moi, je plus suis pas contre. nécessairement d'accord avec ça, dans le sens que, à mon avis, il y a une dérive par rapport à ça, là. Le concept Je suis de d'accord. non-binaire, quand Trump a Il y a dit une on va dérive. revenir, qu'il y a des individus male and female à la base biologique. Moi, je pense que c'est le retour à l'essentiel de la nature par rapport à l'identité de genre que c'était défini par la biologie. Tandis que là, on crée des catégories artificielles. C'est ça que je te dis. Ça, c'est une dérive basée sur une racine idéologique qui était dans il faut accepter. Parce qu'au début, là, c'était accepter les gays et les lesbiennes, puis qu'ils aient le même droit au mariage, les mêmes droits dans la société, puis qu'ils soient acceptés. Ça, c'est tout à fait organique pour une société d'accepter toutes les orientations sexuelles comme des humains, parce que c'est des humains, OK? Puis des gens qui pensent qu'ils sont des femmes, comme des hommes qui pensent qu'ils sont des femmes, ou vice-versa, c'est des humains aussi, OK? Sauf que là, ils n'ont pas besoin d'être renforcés dans leur croyance, qui n'est même pas une vraie croyance, parce que tu ne devrais pas t'occuper de ton genre sexuel, tu devrais t'occuper de ton identité réelle. Ça devrait être ça ta priorité. Développer ton identité, pas ta sexualité, puis tout ça, puis juste baser ton identité là-dessus. C'est là qu'il y a une dérive. Mais le mouvement de pouvoir accepter des gens, puis de pouvoir rassembler les gens, ça a toujours été plus un mouvement de gauche, un mouvement socialisant, un mouvement de on redistribue la richesse. Ça a été toujours emparé par un certain avidité du pouvoir. Les gens ont eu avidité de l'argent, ils ont pris l'argent qui ne leur appartenait pas. On l'a vu en URSS, on l'a vu en Chine, dans les partis communistes. On a vu que c'était malheureusement toujours corrompu. Mais l'essence de la gauche, ça a toujours été plus rapatrier l'égalité. Puis la droite, ça a toujours été, ben, chacun fait ses affaires. Puis, tu as ton succès que tu mérites. Bon. Mais il y a une façon de jumeler ces deux façons-là ensemble. Il y a une façon de travailler en équipe. Il y a une façon de tout le monde bénéficie. Tu sais, moi, je charge les services, j'ai ma compagnie, je travaille, je fais de la masso, j'aide les gens avec des douleurs, des blessures, je les aide à s'entraîner, se remettre en forme, puis tout ça. Ben, je contribue à un certain niveau, je gagne bien ma vie, les gens sont heureux de payer, je charge un montant qui est digne de mon expérience, ça fait quand même 16 ans que je suis dans le domaine. Puis c'est tout le monde est balancé là-dedans, là. Je crosse personne, puis je gagne bien ma vie. Mais quand tu commences à aller à un niveau où ce que là, tu prends sur les autres, ça revient à ce qu'on disait au début de la discussion, vu qu'on a un vide qu'on n'a pas réglé, vu qu'on n'a pas d'identité réelle, vu qu'on n'est pas raccordé avec une partie qui est un petit peu plus vaste que notre simple perception sensorielle, ben on est limité à essayer de prendre aux autres, là, si ça va de soi. C'est ça, c'est du vampirisme. Mais pour ce qui est Exact. du mouvement woke, je te rejoins dans le sens qu'à la base, quand que le mouvement d'émancipation des homosexuels, alors qu'il y avait des gens qui étaient victimes d'intimidation parce qu'ils étaient homosexuels, de raillerie, qui étaient battus, qu'il y ait ce mouvement-là pour les protéger, qui a un plus grand respect, ça avait une fonction. Tandis que là, on est rendu au stade que c'est la promotion des toilettes. Non binaire, puis ben, c'est-à-dire que tous les sexes peuvent aller dans la même toilette, puis tu sais, c'est un autre niveau que ça a été amené. Le problème, c'est surtout, moi, ce qui m'a surpris, c'est que les mouvements féministes se soient raccordés à ça, parce que pour moi, les femmes se sont tellement longtemps battues pour avoir des droits dignes d'une femme, c'est un grand être. Puis elle a vraiment été maltraitée pendant des siècles, voire des millénaires. Puis le fait qu'elle a pu regagner ses droits, je suis d'accord qu'il y a eu des dérives dans le féminisme aussi, malheureusement. Mais de voir des hommes compétitionner dans des sports de femmes, puis de laisser des hommes rentrer dans des vestiaires avec des femmes qui peuvent être nues. Je ne sais pas comment tu peux supporter ça. Même si tu acceptes que l'autre personne pense qu'il est ça, tu le sais en dedans de toi que c'est pas ça, puis il y a une place pour certaines femmes, parce que pas toutes les femmes qui accepteraient ça, que ça les met mal à l'aise. C'est un manque de respect pour ces femmes-là. Moi, c'est ça que j'ai toujours trouvé un petit peu dérisoire. J'étais comme, c'est comme, puis même les hommes transgenres, leur stéréotype de qu'est-ce qu'il démontrait comme étant une femme, c'était vraiment, c'est quasiment comme un blanc qui se déguiserait comme un noir puis qui ridiculiserait des stéréotypes noirs. Ça serait extrêmement mal vu dans la communauté noire de faire quelque chose comme ça. Mais là, un homme qui joue à la femme, ça c'est correct. Puis les féministes se révoltent pas contre ça. J'ai trouvé ça très particulier. Puis encore à ce jour, tu sais, je vois que ça commence à mourir tranquillement, pas vite, mais ça reste que je trouve qu'on manque beaucoup de discernement. Ah, ça, c'est clair, là, parce Tu que, dans le fond, ben là, il y a Trump, là, qui est opposé aux transsexuels, aux Olympiques, là, mais on était dans une mouvance que, finalement, ben, il y aurait plus éventuellement de femmes aux Olympiques, parce que si les hommes ont de plus grandes forces musculaires par rapport à des sports qui vont mettre de l'avant les capacités physiques, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va peut-être des hommes transsexuels qui vont compétitionner dans les catégories féminines. Ben, c'est drôle, hein, parce que c'est comme un rapport d'échange entre ces deux idéologies-là qui se sont renchéries l'une sur l'autre. Le féminisme nouvel âge s'est transformé dans un espèce de féminisme quasiment sanitaire où est-ce que l'homme et la femme, c'est identique. Il n'y a pas de différence, on est tous pareils, on n'a pas besoin des hommes, ci pis ça. Comme si on était au même niveau, puis on avait les mêmes besoins, puis on avait les mêmes capacités. Puis ça a été pris par le wokisme, puis le transgenrisme. Puis le transgenrisme, il a comme renchéri sur ça. Fait que là, c'était comme, ah oh non, on est tout égal. Ouais, mais là, une fille qui est dans un ring contre un gars à poids égal qui punch dans sa face, tu peux pas me faire à croire que c'est pareil. Il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est de la logique pure. Il y a pas, t'as pas besoin de croyance à ce niveau-là. Moi, j'aimerais pas ça frapper une femme au visage parce que je te garantis, même si la femme, elle pèse le même poids que moi, je vais naturellement, probablement créer plus de dommages. C'est sûr qu'une femme qui est très entraînée dans des sports de combat peut battre des hommes, évidemment. Mais deux individus entraînés également avec les mêmes compétences, hommes, femmes, naturellement, ils n'ont pas le même rôle physiologique, ils produisent pas les mêmes hormones, ils n'ont pas les mêmes rôles génétiquement. Fait que tu peux pas leur demander de faire la même fonction physique. La preuve, ils n'ont pas le même corps physique. C'est assez évident, ça, Calis. On a-tu besoin de plus de preuves que ça? Mais en même temps, le propre du mouvement woke, c'est de nier les évidences biologiques pour mettre de l'avant une idéologie au niveau intellectuel du constructivisme identitaire, c'est-à-dire que la personne peut se construire en fonction de ses valeurs, de ses croyances et sa subjectivité. Moi, je trouve ça profondément troublant que ça aille même rentrer dans les universités. Ah, ben ça fait partie par rapport à certaines élites d'un agenda qui vise à créer une forme de chaos social, Je c'est-à-dire... comprends tout ça, mais des académiques qui embarquent dans des affaires de même, je trouve ça fascinant. Ah, Puis en ben même temps, non, moi ça me parce que surprend pas, Chris. Il y a plein d'intellectuels qui sont coincés dans l'intellect puis déconnectés du réel, la réalité biologique de ouais, mais base. ça reste que ça, c'est de la maternelle. Ah, ben, c'est-à-dire qu'il faut jamais rien prendre pour acquis, dans le sens que des gens qui sont perdus dans un monde de réflexion intellectuelle tordue. Je suis d'accord, mais reste que quand tu vas aux toilettes, tu es face à une évidence. Tous les jours, tu es rappelé que. Puis de toute façon, les hommes sont vraiment des gros hypocrites parce que c'est les premiers à utiliser la pornographie à outrance. Fait que déjà, juste leur désir sexuel envers le sexe opposé en moyenne devrait être assez pour te réveiller. Genre, tu vis dans un déni à quel point tu regardes des filles sur des sites de pornographie le soir. Tu te prends pour qui, là? À qui tu mens, là? Tu sais, puis ça, on voit que c'est un autre fléau, là. Au niveau de la société, c'est absolument débile, là. Tu sais, les jeunes, les adultes, à tous les azimuts qui sont sur ça. Après ça, tu fais un déni de sexualité. Tu te dis, ah non, ça n'existe pas, les genres, les sexes, ça veut rien dire. Ben. Juste les orientations sexuelles des gens devraient être suffisantes pour les réveiller. Mais là, c'est subtil parce qu'il y a l'orientation sexuelle puis Non, mais check, l'identité. mettons, je te dis, là, OK, toi, là, OK, t'es avec cette fille-là, t'es une lesbienne, parfait, OK. Pourquoi t'es avec elle? T'aimes-tu les hommes? Non. Est-ce que tu auras une relation avec un homme? Non. OK, mais ça existe-tu, un homme? Non, ça n'existe pas, un homme. On est tous pareils. OK, mais tu viens de me dire que t'aurais pas une relation avec un homme. Ouais, mais c'est ça, ça se défait en une seconde. C'est des arguments qui se défait en une seconde. T'as même pas besoin, que ce soit un couple hétérosexuel, homosexuel, ou je sais pas, il y en a plein maintenant, là, mais ça reste que c'est toujours, excusez-moi les mots, mais soit un pénis ou une vulve. Tu finis par utiliser ça pour, tu sais, il y a juste deux affaires, il y a pas une troisième affaire à moins Ben, quoi qu'il y ait qu'il y ait des quelque chose. hermaphrodites, mais c'est plutôt rare là, au niveau Et ça reste un statistique. mélange des deux ou Oui, c'est quelque mélange des chose qui deux. se rassemble à un des deux. Tu sais, il y a toujours une polarité. C'est comme on est dans un monde de polarité. Et jour, la nuit, l'hiver, Mais moi, j'ai l'été. l'impression qu'il y a un retour du balancier avec Donald Trump en disant ça va faire les dérives du mouvement woke. Puis là, au Canada, ben, il y a Pierre Poilievre qui va dans le même sens aussi, j'ai l'impression, puis qu'on va être dans un mouvement plus conservateur dans les prochaines années. Je ne le sais pas, moi j'ai très peu d'espoir honnêtement pour la politique canadienne et québécoise pour la simple et unique raison que tous les politiciens sauf Maxime Bernier semblent très très faibles. On peut dire Éric Duhaime a des vues différentes, mais il ne semble pas avoir un mouvement dans la société suffisamment frustré comme les États-Unis l'étaient pour un changement. On est très apathique. Tu sais, quand que je vois là, les médias qui poussent Mark Carney, là, un homme qui a absolument zéro charisme, qui a l'air d'un ordinateur sur deux pattes, qui fait juste parler avec aucune émotion, puis que les gens ils essaient de pousser ça comme étant un candidat optimal, après toute la malhonnêteté du Parti fédéral, tout ce qui s'est passé au niveau du Parti libéral, excuse-moi, pas fédéral, qu'on puisse retourner des sondages aussi vite vers un candidat libéral, pour moi, ça démontre que le Canadien moyen il est dans un, peut-être pas l'Albertain, là, Mais les autres provinces, on est dans un c'est comme si on s'en foutait, on n'est pas trop intéressé à améliorer notre sort. Là, on est habitué avec des politiciens plutôt médiocres qui s'expriment pas très bien, qui disent des hautes accusations envers les États-Unis avec aucun poids puis aucune. Tu sais, c'est comme si t'étais là, t'arrivais en avant d'un soldat qui a genre un arme automatique, là, un M4, là, puis il a tout son gear sur lui, c'est un gars des forces spéciales, puis toi, t'as un fusil à l'eau, puis t'es là. Moi, là, je vais te tuer avec mon fusil à l'eau. C'est ça qu'on fait, le Québec. T'sais, on accuse les États-Unis de toutes sortes de choses, puis on n'est même pas capable de s'organiser dans le sens du monde. On n'est pas capable d'avoir aucun département qui fonctionne avec efficacité. On mange de l'argent partout. Les gens sont pas super heureux. L'indice de bonheur au Québec, je pense pas, c'est le plus haut dans le monde. Fait que on devrait regarder nos affaires à place. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien à regarder. Il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a rien qui inspire les jeunes. Il n'y a rien qui inspire les vieux. On dirait que tout le monde est mort. Il n'y a pas de vision. T'sais, il y a eu une époque, si on construisait des pyramides, que ce soit des extraterrestres ou des Égyptiens ou n'importe qui, il y aurait ce que quelqu'un qui a pris le temps de faire ça. Ben, OK? au Québec, il y a eu des projets collectifs, dans le sens que dans la Révolution tranquille, avec les constructions d'infrastructures de barrages hydroéloélectriques au Québec, la Je te parle pas nationalisation. du passé. Le passé, c'était très beau pour le Québec, surtout dans les années 60, 70. Il y avait vraiment, vraiment de quoi, surtout avec René Lévesque, il y avait un mouvement qui était très, très, très fort auprès des Québécois. Les Québécois étaient beaucoup plus solides, ils étaient plus réunis, ils semblaient plus solidaires, du moins, en tout cas, ce que j'ai eu comme information de la part de mon père puis de sa conjointe qui ont vécu dans ce temps-là puis qui m'en ont beaucoup parlé. Mais c'est très différent d'aujourd'hui. Tu sais, mon père, il Non, on m'a est dans une dit. ère plus individualiste, les gens sont plus divisés. Puis il y a eu aussi l'immigration massive, donc des gens de différentes Oui. cultures. Fait que c'est sûr que le nationalisme québécois est en perte de vitesse. On est dans un mouvement multiculturaliste comme tu as vu dans les dernières années, que Trudeau qui a fait venir massivement des immigrants. Là, présentement, on a des problèmes au niveau. Par rapport à l'habitation, le logement, pénurie de logement, les maisons qui sont pas abordables pour les jeunes non plus, ce qui fait en sorte que, bon, ils vont diminuer en théorie l'immigration, parce qu'il y a une limite, dans le fond, d'intégration par rapport aux immigrants. Là, il y a un moment donné, on tombe saturé dans le sens que on se ramasse avec des problèmes d'itinérance d'un grand centre comme Montréal ou autre à cause des Mais tu vois logements. juste qu'il y a un laisser-aller généralisé. Il y a un laisser-aller, il y a une apathie. C'est ça qu'il y a. C'est le meilleur mot pour le définir. C'est tant que si longtemps qu'on ne sera pas des gens qui veulent améliorer leur vie ou qui croient d'abord, il faut commencer à croire. Là. Je comprends que la croyance, pas le best, mais au moins commencer à te faire croire que tu peux avoir une meilleure vie, que les choses peuvent être différentes, qu'on peut avoir une société qui collabore plus les uns avec les autres, qui utilise chacun leurs forces, qui permettent aux gens de pouvoir exercer des travails avec moins de restrictions, de juste essayer de mesurer des compétences, d'accélérer les processus, de donner des permis, de bâtir des entreprises. C'est tout accessible. C'est ça qui est fou. C'est que c'est tout là, c'est clé en main. Ça pourrait être mis demain matin, puis on est là, puis on attend. Puis on attend. Puis on attend. Puis on l'a vu pendant le COVID, hein? Ouais, mais on attend, là, on va finir par arrêter la mesure. Ouais, on va attendre. Personne ne résiste, tout le monde attend. Ah, ben on va aller faire chercher la troisième dose, on est rendu là. Puis on est rendu à la quatrième, puis à la cinquième, puis à la sixième. Tu sais, c'est une éternelle attente. On attend que quelqu'un, puis on est un peu victime de ça parce qu'on a créé un système qui supporte tellement l'individu à tous les niveaux, même au niveau de sa pensée, que l'individu est rendu complètement désemparé. Tu enlèverais les pancartes de vitesse demain matin, il ne saurait même plus quoi faire. T'sais. Fait que on est là. Mais je vais être obligé de te laisser. Mais j'espère qu'on puisse poursuivre sur une autre branche dans le futur parce que c'est toujours très pertinent à discuter avec toi, mon cher David. C'est un plaisir partagé, Olivier. Donc, sur ces mots, on va à présent conclure l'enregistrement. Et pour les gens qui ont aimé notre discussion, eh bien, c'est sûr que sur ma chaîne de YouTube, vous allez pouvoir retrouver des enregistrements. Donc, j'ai fait Olivier avec toi au fil des ans. On en a fait plusieurs sur différents sujets. Et c'est ça. Donc, au plaisir d'en discuter ensemble et éventuellement. Certainement, mon ami. Donc, je dis au revoir à tout le monde qui nous ont écoutés jusqu'ici et à bientôt.